Pris par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. C'est l'heure de retrouver la météo avec Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, sachez que demain, le soleil sera plus généreux qu'aujourd'hui et les températures seront agréables. 22 à 26 degrés. Ceci dit, le ciel va se couvrir en soirée. Et samedi, ça sera à nouveau un petit peu couvert, mais des températures toujours très agréables autour de 25 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. C'est la rentrée, premier reportage sortie d'école aujourd'hui. Nous avons rencontré une petite fille qui a déjà appris à écrire en ce premier jour. Reportage aussi avec l'opération couper le moteur. Les moteurs allumés à l'arrêt, c'est dangereux, dangereux pour la santé, surtout celle des petits. Et vous êtes prêts apparemment à faire l'effort de couper le moteur. De grosses inquiétudes chez Caterpillar, un conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué demain matin. Les syndicats sont inquiets. Dans l'actu aussi aujourd'hui, c'est 11 réfugiés découverts dans un camion-frigo sur une aire d'autoroute à Wanlin. Et puis le premier match des Diables Rouges après l'Euro, c'est contre l'Espagne et l'entraîneur est enthousiaste. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bon ben voilà, la première journée d'école, c'est fait. C'est plié, place aux cahiers à recouvrir, aux documents à remplir. Alors, comment s'est passée votre première journée? Qu'avez-vous déjà appris aujourd'hui? Pierre Vandenbulk a tenté de le savoir en allant à la sortie des classes dans une école à Skarbek. 15h, la première journée d'école se termine déjà à l'école de Cric à Skarbek. Joachim est entré ce matin en première primaire et cela a commencé sur les chapeaux de roue. J'ai d'abord commencé à apprendre à lire et à écrire et je sais déjà lire hic et je sais déjà écrire hic. Programme plus léger pour sa petite sœur Chloé qui est entrée en... Terlelle. Alors à quoi a-t-elle passé sa journée? Faire de la pâte, de la pâte. Tu as joué aussi? Tu as joué à quoi? Les poupées. Et puis à rien. Contente de revoir ses enfants le sourire aux lèvres, la maman avait ce matin un petit pincement au cœur, surtout pour son aîné. Un peu d'émotion de se souvenir quand on était nous-mêmes en primaire et qu'on commençait à apprendre les choses plus sérieusement. Mais ça s'est super bien passé. Félix a lui aussi fait sa rentrée en première maternelle. Sa maman débriefe cette première journée si particulière. Apparemment, il a été très courageux. Et là, à 3h, il est quand même temps de rentrer à la maison et d'être un peu dans ses habitudes. Rentrée aussi pour la directrice Tineke de Beuys, un jour de fête pour elle et ce dont elle se souviendra encore cette année. C'est toujours les grands sourires des enfants, oui. Et les lumières dans les yeux. Les princes aussi sont rentrés à l'école ce matin. Elisabeth est rentrée en 4e secondaire, Gabrielle en 2e secondaire, Éléonore en 3e primaire. C'est la reine Mathilde qui a fait la navette jusqu'au collège Sintiane Berkmans à Bruxelles. Le roi Philippe, lui, a conduit Emmanuel en 6e primaire à l'école Eureka de Kessel-Lo, près de Louvain. Alors vous vous êtes peut-être retrouvé pratiquement à l'arrêt ce matin devant l'école de votre enfant, à l'arrêt, moteur tournant, très mauvais pour la qualité de l'air aux abords des écoles, très mauvais évidemment pour les poumons de vos enfants. Alors pour lutter contre ces pics de pollution très localisés, le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, lance l'opération moteur coupé. Les pneumologues sont plutôt favorables à la mesure. Natacha Stragier, elle, s'est promenée aux abords d'une école communale à Mons. Et vous, êtes parents, êtes-vous prêts à faire cet effort? Plutôt oui. Tout le monde semble d'accord, d'autant qu'aujourd'hui il fait beau. Beaucoup de parents sont d'ailleurs venus à pied. Je pense que c'est une bonne idée de couper les moteurs, au lieu de laisser gaspiller déjà son diesel et tout ça, et toute cette pollution qui sort des voitures. Ouais, je crois que c'est une bonne solution, c'est qu'on arrête les moteurs. Quoi. L'intention y est, il faut maintenant avoir le réflexe. Couper le moteur, je trouve que c'est bien, parce qu'ainsi il y a moins de pollution. Je veux pas être méchante, mais votre moteur il tourne. Oui, mais c'est pas encore... Arrêtez. C'est un réflexe qu'il faut prendre? Oui, c'est un réflexe que je voudrais prendre. Loïc Launois est gardien de la paix. Chaque jour, il est à proximité des écoles et les moteurs, il les subit. On essaie souvent d'empêcher les gens justement de stationner au milieu de la rue avec le moteur allumé pour attendre leurs enfants ou quand ils se gardent d'éteindre le moteur. Mais maintenant, c'est vraiment... Nous, on ne focalise pas sur le moteur, surtout le fait de ne pas gêner la circulation. Est-ce que vous croyez que ce sera facile peut-être pour les parents de comprendre et de faire le geste? Je pense que ce serait plus facile s'ils étaient à notre place. Ou à celle des enfants. Thomas a 13 ans. Souvent dans leur voiture, laissent le moteur allumé, donc ça pollue la planète. À la fin, ce qui arrive, si jamais on fait toujours ça, bah, la Terre elle risque de tomber, quoi. Plus sérieusement, un pneumologue rappelle qu'être exposé à ces particules dès l'enfance et sur le long terme est cancérigène. De grosses inquiétudes pour les travailleurs de Caterpillar à Gosselies. Oui, un conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué demain. On parle de nouvelles assez inquiétantes. L'entreprise avait déjà licencié pas mal de monde en 2013. Christine Boroviac, elle emploie toujours aujourd'hui 2000 personnes. Oui, on apprend par ailleurs qu'un conseil d'entreprise semblable est également organisé ce vendredi matin sur plusieurs autres sites européens. Alors, que va-t-il s'y dire? Eh bien, personne ne le sait, mais tous redoutent de très mauvaises nouvelles. Alors, jusqu'à la fermeture de certains sites et du site Carolo, eh bien, rien n'est impossible selon des représentants syndicaux, tant la situation s'est dégradée ces dernières années. Au niveau mondial, le groupe avait déjà annoncé la suppression de 10 000 postes en 2015. Au niveau de Caterpillar Belgium, on croyait que le plus douloureux avait été fait avec la suppression de 1 400 postes en 2013. La direction avait ensuite investi 150 millions d'euros sur le site en misant beaucoup sur un nouveau moteur moins polluant, le Tyr 4. Hélas, les ventes sont fort décevantes et le chiffre d'affaires s'en est ressenti. De quoi être peut-être plus vulnérable au moment où la direction mondiale va devoir trancher. Tout le monde retient son souffle. Mohamed Abrini reste en prison. Oui, Mohamed Abrini, c'est l'homme au chapeau, hein, perçu dans le hall des départs à l'aéroport de Zaventem au mois de mars dernier lors des attentats. Il avait été interpellé, souvenez-vous, le 8 avril à Anderlecht et tout comme sept autres suspects, il est passé en chambre du conseil ce matin. Son mandat d'arrêt a été prolongé d'un mois. 11 réfugiés découverts aujourd'hui dans un camion frigorifique sur l'aire de Wanlin en province de Namur. Des hommes apparemment d'origine afghane et pakistanaise, parmi eux deux mineurs. Le camion était immatriculé en Autriche. Pierre Jacobs, le chef de corps de la police Laissez l'Homme, explique comment ces hommes ont découvert les 11 réfugiés. Des gens ont entendu du bruit qui venait d'un container qui était garé sur le parking de l'aire du restaurant de Wanlin. Puis les services de secours et la police ont été prévenus. Et donc ils ont procédé à la découverte effectivement de personnes qui se trouvaient cachées à l'intérieur de ce container. C'était un container d'un camion frigorifique, c'est ça? C'était un container qui est placé sur un camion et le frigo ne fonctionne pas. Mais fatalement, il y a de l'isolation et donc il y a peu d'air et il n'y a pas de ventilation puisque c'est par définition... Un frigo est isolé. Les conducteurs ont été interrogés par la police déjà. On sait ce qu'ils ont répondu quand on leur a demandé s'ils étaient au courant? Non, on ne le sait pas. Tout d'abord parce qu'il y a une enquête d'une part administrative par rapport à la situation administrative de ces personnes. Ça, c'est l'Office des étrangers qui prendra des décisions dans la matière. Et une enquête judiciaire par rapport à éventuellement la traite des êtres humains. Et ça, c'est la police judiciaire fédérale de Namur qui est en charge de l'enquête. Pierre Jacobs, le chef de corps de la police, Laissez l'Homme avec Laurence Laine. Mauvaise nouvelle, on a vécu moins vieux en 2015 qu'en 2014. 64 jours de moins en moyenne en 2015 par rapport à l'année précédente. Ce sont des statistiques fédérales. On vit toujours plus vieux en Brabant flamand et moins vieux en Hainaut. Avec nous, Yvan Botmans, gérontologue à la VUB. Bonsoir, monsieur Botmans. Bonsoir. Alors première question, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que l'espérance de vie diminue vraiment? Mais écoutez, je crois qu'il faut tenir ces chiffres à l'œil, mais je ne crois pas qu'il faut dramatiser. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Ces chiffres sont basés sur des chiffres de décès. Et en mon avis, ces chiffres sont dus au fait que la population vieillit et le plus qu'il y a de personnes âgées dans notre population, le plus de décès. Et forcément, ça a un impact sur le taux de mortalité, sur lequel l'espérance de vie est calculée. Voilà, alors c'est vrai qu'ici, on parle de chiffres bruts, il n'y a pas de précision non plus sur les causes des décès. Est-ce que ça veut dire qu'on va quand même vivre de plus en plus longtemps et qu'on va vivre centenaire, comme on nous l'annonce souvent? Ben, exactement. Je crois que l'espérance de vie pour les individus va augmenter, va continuer à croître. Cependant, maintenant, il faut analyser les causes de décès et aussi l'âge auquel ces personnes sont décédées en 2015. Bon, il n'est pas exclu que effectivement des gains au niveau des soins de santé sont en partie compromise par, par exemple, une sédentarité. Une vie trop sédentaire, donc, c'est ça. Alors, on voit aussi dans ces statistiques que les femmes meurent plus jeunes que les hommes par rapport aux années précédentes, que l'écart, en tout cas, entre les hommes et les femmes diminue. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, vous ? En étant qu'homme, oui, mais bon, c'est une approche personnelle. Non, mais plus sérieusement, je crois qu'effectivement, c'est une évolution, une bonne évolution que l'espérance de vie des hommes rattrape celle des femmes. Évidemment, c'est négatif que l'espérance de vie des femmes diminue, mais je crois que c'est plutôt lié... C'est une bonne lié, chose que ça s'équilibre entre hommes et femmes Je crois que c'est lié au changement de mode de vie des hommes au fil des années précédentes. Merci beaucoup Yvan Botmans. Je rappelle que vous êtes gérontologue à la VUB. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Le manque de moyens menace l'état de droit. Ça, c'est le discours des autorités judiciaires pour la rentrée 2016. Parce que la rentrée, ça se passe aussi devant les tribunaux. Les premiers présidents des cours d'appel se sont concertés cette année pour dire la même chose. Ils ont écrit le même discours. Je les cite, les nouvelles mesures d'austérité, les économies linéaires et aveugles, cela assèche le fonds fonctionnement quotidien de la justice. Le ministre de la Mobilité, lui, ne veut plus de Pokémon, de Pokéstop ni de Pokégyms dans les aéroports. François Bello a écrit à l'entreprise Niantic qui a conçu ce jeu. C'est une question de sécurité, argumente le ministre. On a repéré des intrus dans des zones protégées de certains aéroports et cela ne peut plus se reproduire. À l'étranger, de nouvelles manifestations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo provoque de grosses tensions dans la capitale, Libreville. Ce matin encore, on a entendu de fortes explosions et des coups de feu à Libreville. Et maintenant, on parle de foot parce qu'on attend un match important aujourd'hui. Les Diables Rouges contre l'Espagne, c'est ce soir. C'est un match amical, bien sûr, au Roi Baudouin. Le stade n'est pas complet non plus. Mais le nouveau sélectionneur, Roberto Martinez, attend, lui, cette rencontre avec impatience. Plus que tout, je suis excité. On a eu une bonne préparation jusqu'ici, mais rien ne vous fournit autant d'informations qu'un match. Quand vous êtes confronté à une opposition aussi forte que celle de ce soir, le match servira à voir comment les joueurs se trouvent, comment ils se comportent en équipe. C'est une opportunité unique pour moi d'évaluer mon équipe. Quoi qu'il arrive ce soir, je tirerai de précieux enseignements pour voir plus loin et préparer les trois prochains matchs de qualification. Pas juste Chypre. Je pense que le match de ce soir va me donner une idée assez claire sur comment je dois aller de l'avant. Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables avec Manu Juste. Notez donc qu'il reste des places au stade Roi Baudouin pour ce soir, que les bénéfices sont censés financer les indemnités de licenciement de Marc Wilmots. Cap 48, un nouveau parrain, c'est Jean-Luc Reichmann. Oui, l'homme qui a soudé ou cassé des dizaines de couples à la télé le midi dans Les Amours. Il est aussi comédien dans Navarro ou Nestor Burma. Eh bien, c'est lui qui viendra donc vous encourager, nous encourager à être généreux cette année parce que oui, le 1er septembre, c'est aussi la rentrée de Cap 48. Cette année encore, de nombreuses activités sont organisées aux quatre coins de la Wallonie, de Bruxelles, pour soutenir les personnes touchées par un handicap. Devenir handicapé n'est pas un choix, c'est le thème de cette édition 2016 qui veut concerner tout le monde. Thomas Debrouckère nous en dit un petit peu plus. Cela fait maintenant 15 ans que Luc Huberti a perdu une jambe suite à un accident de la route. Son histoire, c'est celle de Monsieur Tout le Monde frappé par un drame. Et c'est exactement ça le thème de la campagne 2016 de Cap 48. Ce qui m'est arrivé, c'est peut-être un peu cru, mais ça peut emmener tout le monde. Et je pense qu'il faut conscientiser un maximum de personnes. On doit mettre ces gens-là en avant pour qu'ils donnent une expérience aux autres. C'est vraiment essentiel. Pour sensibiliser le public, la RTBF sera une fois encore au cœur de cette campagne. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. Le handicap, c'est la deuxième cause de discrimination en Belgique. Si en tant que service public, on peut réduire cette discrimination, on contribue au vivre ensemble, à l'expression du respect de chacun, à une société qui est plus juste et égale. Cette édition s'achèvera le 9 octobre avec la traditionnelle grande soirée de clôture présentée par Jean-Louis Lahaye. Il sera accompagné par le parrain de cette année, l'animateur français Jean-Luc Reichmann. Oui, Jean-Luc Reichmann qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette année et qui lui aussi est touché via sa petite sœur par le handicap puisqu'elle est c'est une personne sourde. Il fait ça pour aider les gens et pour aider Cap 48, pour nous soutenir, et je trouve ça fabuleux. La campagne est donc lancée. Cap 48 compte désormais sur vous. Voilà, et ce sera donc le 9 octobre en télé et en radio. On vous en reparlera d'ici là, aucun doute. Et puis c'est déjà sur le web aussi, hein, www.cap48.be. Et il y a entre autres un défi ce week-end, celui des 24 heures de cartes. Ça se passe à Spa-Francorchamps. Alors, il y a toute l'équipe de la RTBF, toute une partie qui va être dans les cartes, qui va tenter de piloter pendant les 24 heures. Mais vous pouvez les aider aussi. Il suffit d'aller pour ça sur agir.cap48.be. Et c'est là qu'on a la liste de tous les défis. Et il y en a un paquet de défis pour récolter de l'argent. Il va y avoir du boulot, là. On compte sur vous. Merci beaucoup, Manu. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Là, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. On retrouve Anne-Michel Vloubert. Comment ça roule ce soir? Bonjour. Bonjour. Eh bien, ça va plutôt bien dans l'ensemble. C'est pas vraiment encore vraiment la rentrée comme on se l'imaginait. Mais cela dit, vous êtes mobilisés toujours sur la 54 Charleroi-Nivelle entre Lutre et Petit-Reux. Une bande de circulation neutralisée. Vous perdez là une dizaine de minutes en direction de Nivelle. Attention à cet objet encombrant volumineux, un bassin de maçon, qui est signalé sur la ligne 3 de Charleroi. Entre la sortie Trasny et Forchy-Lamarche, la bande droite est encombrée en direction d'Épigny. C'est relativement calme, je vous le disais, sur le ring de Bruxelles. Pas de grosses tendances. Plus ou moins une quinzaine de minutes supplémentaires à compter en circulation extérieure Zaventem-Grand Bigard. Moins de 10 minutes en circulation intérieure Zaventem-Carrefour-Léonard. Quelques fils du tunnel Le Trône au tunnel Léopold II vers la Basilique. Et puis un radar à signaler sur le 42 tournement centre Blaton et Autrage. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Demain dès 11h, sur Vivacité. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et ce soir dans le 5 à 7, bah comme tous les jours, on va revenir sur ce qui a fait l'actu de cette journée. Et il y a quelques minutes, on a appris qu'une fusée avait explosé pendant des essais à Cap Canaveral. C'est pas la première fois qu'une fusée explose, alors ici pas de victime, il y avait personne, juste un satellite. On fera le point dans quelques minutes d'ailleurs sur ces expériences, ces fusées qui partent. Comment est-ce que ça peut arriver en 2016 qu'une fusée explose? On y revient dans quelques minutes sur Vivacité. Dans le 5 à 7, on parlera aussi de la rencontre de ce soir. Forcément, la Belgique qui reçoit l'Espagne, ce sera au stade Roi Baudouin. À suivre d'ailleurs ce soir en direct sur Vivacité, émission spéciale complètement foot dès 19h. Et on aura tout à l'heure Florent, il est président d'un club de supporters des Diables Rouges à Chimay. Il est en route en ce moment pour le stade Roi Baudouin. Il sera l'invité de ce 5 à 7 également tout à l'heure avant 18h. Une invitée aussi que vous adorez, Chantal Goya, sera là ce soir dans cette émission. Elle sera ce soir sur Vivacité, puis ce week-end à Charleroi, à l'occasion des 350 ans de la ville. Ça démarre demain, il y a un programme de dingue, je vous en parle dans quelques minutes. Mais à propos de Chantal Goya, quelle est votre chanson préférée de Chantal? Ou dans votre enfance, vous chantiez quoi? C'est quoi vos souvenirs musicaux d'enfance? 3063 par SMS pour me le dire, c'est 50 centimes le message, ou alors sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On parlera aussi tout à l'heure d'une nouvelle école, parce que c'est la rentrée aujourd'hui. Vos enfants sont arrivés à l'école, alors il y a les parents qui sont parfois tout tristes de déposer les enfants. Il y a les enfants qui sont peut-être contents de ne plus avoir les parents sur le dos des vacances. En tout cas, il y a une nouvelle école dont on va vous parler. Elle s'appelle l'école des trèfles, c'est à Anderlecht. Et l'idée, c'est de mettre en place un programme très écologique. On y revient avant 19h dans ce 5 à 7. Et puis, c'est l'événement musical du jour. Il y a le retour de Sting dans l'actu, nouveau single. Je vous passe les premières secondes de ce morceau dans quelques instants sur Vivacité. Et puis tout à l'heure, c'est promis, on écoutera Sting en intégralité. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte,

Alors, il y a eu deux accidents qui sont restés dans les mémoires avec la navette spatiale américaine, la navette Challenger et la navette Columbia. Deux navettes spatiales emportant chacune 7 astronautes. Malheureusement, donc, il y a eu l'accident de Challenger au décollage, un peu après le décollage, et pour Columbia, un peu plus tard, en 2003. Là, c'était lors de la rentrée dans l'atmosphère. Et équipage perdu à chaque fois. Pensons à l'Europe aussi, parce que l'Europe a son jeu à dire, évidemment, notamment la belle fusée Ariane 5, qui est un lanceur plus que fiable. Lors de son tout premier lancement, c'était en 1996, eh bien, il y a eu un problème informatique à bord et qui a causé donc la destruction du lanceur et de ses satellites. Donc voilà, mais heureusement, il n'y avait personne dedans. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de fusées avec de l'équipage à l'intérieur, ou on en voit plus des fusées avec du matériel ? Les deux. Hein. Vous avez encore les fusées Soyouz, donc russes, qui envoient encore des équipages, par exemple, vers la station spatiale internationale, comme l'a fait notre astronaute belge Franck Douin, qui est parti donc avec la fusée russe, qui est aussi très fiable. Hein. C'est presque la même que celle qui a envoyé le premier homme dans l'espace en 1961. Merci Dominique pour ces explications. On suivra le dossier pour voir ce qui s'est passé plus précisément. Tout ça est à suivre sur notre site info rtbf.be. Merci Dominique, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, excellente soirée. Ça, ce que vous entendez, c'est les premières secondes du tout nouveau single de Sting. C'est l'événement musical de la journée. Sting est de retour. Alors, on va pas tout vous passer maintenant. Bah non, ce serait trop facile. Sting est de retour avec un nouveau single. Je vais vous le garder pour tout à l'heure. Restez bien là. C'est promis, avant la fin de cette émission, je vous passerai le tout nouveau single de Sting. En attendant, on parle de vos chansons cet après-midi, vos chansons d'enfance. Quelles sont les chansons qui vous ont marqué quand vous étiez petit? 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Vous me dites quelles sont les chansons en général, ou plus précisément celles de notre invité dans quelques minutes. Chantal Goya sera ici sur Vivacité dans le 5 à 7. Pour quelques moments de plaisir ou de folie, le week-end commence à 6h sur Vivacité. Chaque samedi et dimanche matin, je vous propose des petites idées sympas et des bons plans tout près de chez vous. Viva Weekend avec Serge Van Alwayne. Ce vendredi 9 septembre, le gratin de l'athlétisme belge et international sera réuni au stade Roi Baudouin pour l'AG Insurance Memorial Van Damme. Vous voulez y être et fêter nos athlètes de retour des JO? Écoutez Vivacité ce vendredi 2 septembre ou Balle de Match ce week-end pour gagner vos places. Vivacité, la radio du sport. La recette d'une tranche de bonne humeur? Plongez un cactus dans le waterzooi. Ajoutez-y une cuillère d'invité. Sartori, pas bien. Des chroniqueurs déjantés, un soupçon de météo, une pincée d'info routière pour faire passer le goût de bouchon et bien sûr, une bonne dose d'info essentielle pour bien démarrer la journée. La liberté de la presse doit être absolue. Secouez légèrement et vous obtenez le 8-9 parfait. À déguster sans modération sur La Une et sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 euros. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur vousmobile.be. Il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire arrêtez de me castrer. C'est insupportable. Ah ben, je pensais que ça voulait dire ça gentouille, moi. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur Gaïa.be. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. À 18h, on vous parlera de la rentrée, bien sûr, avec des échos à la sortie d'une école de Scarbec. On fera aussi un petit point sur l'opération moteur coupé. Il ne faut pas rester avec le moteur allumé quand on attend son enfant à la sortie de l'école. Ce n'est pas très bon pour la planète. Inquiétude chez Caterpillar à Gotsli. L'entreprise américaine a convoqué un conseil d'entreprise extraordinaire demain à 8h30. Elle emploie toujours 2000 personnes. Elle a déjà vécu une fameuse cure d'amaigrissement en 2013. Les syndicats sont inquiets. La durée moyenne de vie des Belges diminue, un peu moins de 81 ans en 2015, c'est moins qu'en 2014. Les femmes vivent toujours plus vieilles que les hommes, mais l'écart diminue. C'est en Brabant flamand qu'on vit le plus vieux, c'est en Hainaut qu'on meurt le plus jeune. Et puis à 18h, on parlera aussi du match de football contre l'Espagne, les Diables contre l'Espagne, et de l'éclipse annulaire. C'est la lune qui passe devant le soleil. Ça se voit à La Réunion, à Madagascar, mais avec les moyens modernes, on peut vous en parler à la radio en Belgique. Ah bah c'est sympa, dommage parce que sinon on aurait fait le voyage pour aller voir. Hein. Ah, on n'était pas contre. Hein. Vous voulez pour la rédaction que l'équipe du 5 à 7 y aille ? Vous avez les moyens, vous. Hein, ah bah c'est la RTBF qui paie. Hein. On demande au patron, grand patron. On ne refuse rien. On va demander à Jean-Paul de nous faire un petit chèque pour pouvoir partir. Ah bah ça doit être beau, effectivement. Bah on suivra ça sur Internet et sur les médias de la RTBF. Merci beaucoup Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. On jette un coup d'œil dans le ciel tout de suite, c'est la météo Dominique. Avec la nuit prochaine, le ciel qui va se dégager à nouveau partout et des minima compris entre 10 et 12 degrés. Demain, le soleil va revenir de manière plus franche. On attend 22 à 26 degrés. Mais attention, le ciel va se couvrir dans la soirée. Samedi, le ciel va continuer à se couvrir aussi. Il fera toujours aussi doux, donc 22 à 26 degrés. Dimanche, par contre, une nette dégradation est attendue avec un peu plus de vent et des périodes de pluie maxima 18 à 22 degrés. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. Anne-Michel Vloubert, y a-t-il des soucis à signaler ? Eh bien oui, puisqu'on a un accident sur le 42 Liège-Mons à hauteur de Manage. Les voies centrales et droites sont neutralisées. On relève 2 km de fil en direction de Mons. Du côté du ring de Bruxelles, rien d'inchangé. Vous perdez 20 minutes en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, moins de 10 minutes en circulation intérieure Zaventem Carrefour Léonard, du côté de le 40 d'Aix-la-Chapelle Bruxelles dans le chantier de Cherat, et ce dans les deux directions. On a quelques fils soit depuis Barchon ou encore des fils depuis Millemort en direction d'Aix-la-Chapelle. Et puis attention à cet objet encombrant, une échelle qui est signalée sur le 25 Liège-Bastogne peu avant la côte de Tilf. La bande gauche est encombrée en direction de Bastogne. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Bah oui, c'est ici que ça se passe, jusqu'à 19h. On fait le tour de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On parlera dans quelques minutes de Selena Gomez. Si vous ne la connaissez pas, vos enfants la connaissent. Ils allaient peut-être la voir en concert prochainement, sauf que bah, elle ne viendra pas. Elle interrompt sa tournée parce qu'elle est atteinte d'un lupus. Alors qu'est-ce que c'est le lupus dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans des séries à la télé ? On s'y intéresse avant 18h, parce que peu de personnes savent au final ce que c'est. On s'intéressera à une fonction aussi dans l'actu. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler d'une responsable des achats de fiction à la RTBF. Alors nous aussi dans l'équipe on a vu cette info, on s'est dit mais au fait c'est quoi ce boulot ? Comment est-ce qu'on achète de la fiction à la télé ? Eh ben, on verra ça tout à l'heure, c'est promis, on parlera d'une nouvelle école aussi, l'école des trèfles à Anderlecht. L'idée c'est de développer tout un programme écologique pour les enfants de cette école. La directrice sera avec nous dans quelques minutes. Retour sur la rencontre de ce soir aussi, Belgique-Espagne, c'est dans quelques minutes qu'on en parle en tout cas, puisque le match sera ce soir à suivre sur Vivacité en direct et sur les médias de la RTBF. On aura Florent dans un instant, il est président du club de supporters des Diables Rouges à Chimay et je peux vous dire que chez lui, il y a de l'ambiance aujourd'hui. On verra ça dans un instant. Et puis notre invitée dans quelques minutes, elle s'appelle Chantal Goya. Et je vous demande par SMS au 3063 de me dire quelle est votre chanson préférée de Chantal Goya ou la chanson de votre enfance. Il y a Anne de Nivelles qui est là. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous allez bien ? Vous avez passé une bonne journée ? Parfaite. Vous avez déposé, je vais arriver à le dire, des enfants à l'école aujourd'hui ? Oui, et là je vais les chercher, oui. Ah ben ils ont passé une bonne journée, vous ne le savez pas encore. Ce matin, ça allait. Je ne sais pas encore. Je suis devant l'école, mais ce matin, ça allait très bien. Ils étaient assez excités d'y retourner, oui. Et vous avez eu une journée tranquille alors, sans eux, contrairement à l'été. Au boulot comme d'habitude, non, ça n'a rien changé pour moi. Bon, bah Anne, on va parler de choses plus gaies. On va parler de Chantal Goya. Elle sera invitée de cette émission dans quelques minutes. Quelle est votre chanson préférée de Chantal Goya? Voulez-vous valser grand-mère? Ah bah si vous voulez. Vous avez des souvenirs sur cette chanson, Anne? Ah oui, absolument. À danser, à tourner en rond, en l'écoutant en boucle à la maison, oui. Vous savez que vous pourrez la voir à Charleroi, de Nivelles, vous n'êtes pas trop loin de Charleroi, elle y sera ce week-end. Exact, bah voilà, j'ignorais. Eh bah faites un tour là-bas, puisque c'est les 350 ans de Charleroi ce week-end. Il y a plein de concerts organisés par la RTBF. Et donc, entre autres, Chantal Goya, qui sera sur scène ce samedi à 16h. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Je vous souhaite une bonne soirée, Anne. Merci d'écouter Vivacité. Apparemment, merci à vous. À bientôt. Vous aussi, vous me dites par SMS au 3063, quelle est la chanson de votre enfance? C'est peut-être du Chantal Goya. Vous partagez ça aussi sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Vous ne rêvez pas. Vassieu Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à latte. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieu Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Comment bien manger? Quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes. En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas? Ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés? Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin, une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Hé maman, on joue au supermarché. D'accord mon cœur. Alors, je voudrais un kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah ok, voilà. Et ton caddie? Ah oui. Bon alors, je voudrais... Hé là madame, dans la file, comme tout le monde. Mais enfin je... Renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be. Le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois. Ouais. De la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. 17h-19h 5 à 7 sur Vivacité. Vous savez que tous les matins entre 8h et 9h tous les people défilent chez Benjamin Maréchal et vous allez demain pouvoir entendre la belle voix de cet artiste que vous entendez souvent sur Vivacité, c'est Claudio Capeo. Du fait qu'on vous le joue sur Vivacité, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé puisqu'il a participé à l'édition 2016 de The Voice France. Claudio Capeo vous parle de ses projets, son album et sa vie demain dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal. 5 à 7. Bon, là, on prend un petit peu d'avance, mais on espère gagner le match quand même de ce soir face à l'Espagne. Les Diables Rouges face à l'Espagne, c'est à suivre en direct sur Vivacité tout à l'heure. Et puis, dès 19h d'ailleurs, pas de tip-top ce soir, émission spéciale complètement foot avec David Oudrey et son équipe. On va parler de cette rencontre de ce soir avec Florent Tonnet. Vous êtes président du club de supporters des Diables Rouges à Chimay. Bonsoir Florent. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. Ce soir, vous serez au stade? Ben non, malheureusement, les obligations professionnelles me retiennent. Ben oui, le boulot. Aïe, vous faites quoi comme boulot? Je suis indépendant de la grande distribution. Ah, ben forcément, quand on est indépendant, quand on bosse pas, il y a un petit problème. Bon, voilà. Florent, vous supporterez quand même les Diables Rouges ce soir, même si vous n'êtes pas dans le stade. Évidemment, derrière mon écran, c'est certain, bien sûr. Vous allez avoir un petit pincement au cœur de ne plus voir Mark Wilmot. C'est le premier match sans Mark Wilmot. Votre club de supporters, il en pense quoi ? Ouais, c'est vrai que Marc, ouais, c'est une figure emblématique, hein, c'est certain. Hein, et grâce à lui, on a quand même réalisé des super belles choses de ces dernières années. Donc, ben Marc va nous manquer, sa chemise blanche, ses courtes manches. Mais bon, voilà, je crois qu'il était peut-être temps aussi de passer autre chose pour les Diables. Et bon, c'est de bonne chance, évidemment, à notre nouveau coach. Hein. Avec votre club, vous avez prévu un petit hommage à Mark Wilmot ou pas ? Oh, ben, certainement que dans les tribunes, Marc, à mon avis, ne sera sûrement pas oublié. Alors, est-ce que vous attendez déjà quelque chose des Diables Rouges ce soir, avec Martinez aux commandes ? Ouais, je crois qu'on attend surtout une bonne mentalité de la part des joueurs, hein, qui se bougent un peu, comme on dit, qui montrent quelque chose, parce que le dernier match, hein, Pays de Galles, tout le monde était un petit peu déçu, donc on attend de la part de certains joueurs un peu d'engagement. Après, niveau tactique, bah, je pense pas que c'est après un entraînement et après seulement un match qu'on peut voir une grande différence, mais bon, qui sait, peut-être une autre surprise, hein, dans l'équipe de base. Martinez, il espère être champion du monde en 2018. Vous pensez que c'est le bon, qu'on va y arriver, qu'on peut l'avoir, qu'on fera mieux qu'à l'Euro et qu'au dernier mondial ? Je crois que 2018, ça sera, comme on dit, maintenant ou jamais. Hein. Avec le noyau qu'on a, l'équipe commencera à arriver à maturité, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les joueurs sont jeunes aussi. Hein. Donc, allez, 2018, champion du monde, on ne va pas être trop chauvin, mais il faudrait quand même aller jusqu'en finale. Hein. La finale, ça serait quand même bien. Hein. Si ce n'est pas la finale, vous supportez une autre équipe après, vous changez de nationalité ? Non, je reste belge jusqu'au bout. D'accord. Florent, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier pour ce soir ? Vous bossez, mais est-ce que vous avez, je sais pas moi, ressorti des vêtements, des drapeaux, du maquillage pour soutenir les Diables Rouges ? Ou comme c'est amical, on s'en fout un peu ? Oh, ben même si je regarde ça dans le salon avec quelques amis, je sors toujours une écharpe et un maillot, même quand c'est derrière la télévision. Alors ce soir, vous, Florent, vous n'êtes pas au stade pour raisons professionnelles, mais on a appris que beaucoup de gens ne se rendaient pas au stade, puisque dans le journal de 17h, on nous disait encore que toutes les places n'étaient pas vendues. Comment vous expliquez ça en tant que supporter ? Vous trouvez que c'est quoi ? Que c'est trop cher ? Parce qu'on a entendu souvent cette critique. C'est vrai que bah, le prix peut parfois un peu freiner. Bon, de manière générale, tout le monde est toujours plus attiré par un match officiel qu'un match amical, ça c'est une première chose. Mais c'est vrai qu'il y a le petit côté, bon, pour un match amical, bah, on pourrait quand même espérer de l'Union Belge un petit geste au niveau des tarifs. Bon, bah, on espère que votre message sera entendu. Florent, je vous souhaite un bon match tout à l'heure, même si vous le suivrez depuis chez vous. Et avant de partir, un petit pronostic ? Allez, soyons chauvins, 2-1. 2-1, bah ce serait pas mal, on le souhaite. Merci Florent, oui. Passez une bonne soirée. Merci à bientôt. 5 à 7. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Qu'est-ce que c'est toujours agréable de pouvoir écouter un petit peu de Chantal Goya sur Vivacité dans le 5 à 7. J'aimerais bien vous recevoir tous les jours, Chantal, parce que comme ça, merci, on peut tous les jours écouter vos chansons. Comment ça va, Chantal ? Ben, je vais bien, je reviens de vacances, donc tout va bien. Vous étiez où ? J'étais en Provence, près de Avignon. Ouais, ah bah c'est sympa là. Vous avez bien mangé, vous avez bien pris le soleil et tout ça. Ouais. Et du coup, vous serez en pleine forme ce week-end, puisque vous nous faites le plaisir d'être sur la scène des 350 ans de Charleroi. Ce samedi, à 16h, vous serez sur scène. C'est génial que vous passiez. Ah bah non, je suis ravie, vous savez que la Belgique, j'adore, hein. Et alors Charleroi particulièrement, vous êtes souvent passé à Charleroi ? Oui, j'ai toujours été au Palais des Beaux-Arts et puis je me souviens que j'avais vu une belle comédie musicale sur Tintin, c'était très beau. Et ça vous rappelle plein de souvenirs alors de revenir à Charleroi pour en plus un anniversaire important. Mais oui, évidemment, c'est magnifique, 350 ans de Charleroi, c'est fou. Qu'est-ce qu'on verra sur scène samedi ? Ah ben, beaucoup de personnages, hein, le Chaboté, Panda, Pécassine, le Lapin, Guignol, le Renard, il y en aura partout. Ah bah ça c'est pour faire plaisir à tout le monde, avec toujours la même particularité, Chantal, c'est qu'il n'y a pas que des personnes grandes, enfin des adultes en tout cas qui regardent vos spectacles, c'est que vous avez face à vous, et vous êtes peut-être une des seules artistes à avoir ça, plusieurs générations à chaque fois devant vous. Ah oui, il y en a trois, c'est dingue, c'est fou, hein. Moi je pensais pas faire tout ça un jour, mais c'est incroyable, du plus petit au plus ancien, ils sont tous là. Est-ce qu'il y a pas jeunes, c'est la folie. Ah ben c'est sûr. Enfin, c'est à chaque fois tout le monde a envie de vous voir et à Charleroi en plus. Ouais. C'est vrai que l'ambiance est très bonne quand même à Charleroi. Donc il va y avoir une atmosphère particulière quand vous serez sur scène. Est-ce qu'il y a un moment, parce que ça fait quand même des années que vous chantez les mêmes chansons, est-ce qu'il y a déjà un moment où vous vous êtes dit tiens, je voudrais faire autre chose ? Bah, autre chose non, parce que ma vie est de chanter. Mais par contre, Jean-Jacques m'a écrit un nouveau spectacle et il y avait quand même 17 chansons nouvelles. Donc je reprends toute ma tournée. J'ai fait 30 dates en Belgique déjà avec ce spectacle. Et maintenant, je recommence la France. Vous voyez, j'ai privilégié la Belgique à la France. Ah bah ça, c'est bien sympa. Mais vous repasserez, en plus de samedi pour les 350 ans de Charleroi, vous repasserez par la Belgique, Chantal. Oui, je vais venir à Colfontaine, je vais venir pas loin. Ah bah ça, c'est super. Parce que quand vous passez pas pendant longtemps, après, vous nous manquez, Chantal. Oh, c'est après, on est triste. Et après, dans 2 ans, je ferai une grosse tournée avec un spectacle que vous avez tous connu petit qui s'appelle « Le soulier qui vole ». Voilà. Vous reposez quand, à part les vacances d'été? Bah là, Chantal, les vacances, bah 3 mois, c'est bien, les 3 mois. Ah, c'est 3 mois beaucoup, de vacances, même oui. Sur ah oui, 3, oui, 3 mois, c'est bien. Mais alors, justement, oui, vous faites quoi quand vous êtes en vacances, quand vous montez pas sur scène tous les soirs? La cuisine, le ménage, tout ce que tout le monde fait, pas ceux qui font pas en vacances, moi j'adore. Alors, autant on connaît toutes vos chansons, Chantal, mais on connaît pas votre spécialité culinaire. C'est quoi votre signature à vous quand vous êtes en cuisine en vacances? Ah ben, je fais des salades, plein de salades pour l'été. Je fais des salades de pamplemousse avec des avocats. Je fais de la mozzarella avec du lard fumé et des petits œufs. Ah, je fais plein de choses. Ah bah ça, c'est parfait. Oui. Faudra que vous goûtiez des spécialités Carolo aussi demain, samedi. Oui, quand avec plaisir. Mais comme ça, on fait un échange. Vous venez avec des plats à vous et puis les Carolo viennent avec leurs plats à eux et on fait une grande fête génial. Pour les 350 ans. Génial. Merci Chantal de venir samedi et d'être passé ce soir dans le 5 à 7. À bientôt. Je suis très contente de reprendre mes galas. Merci mille fois. À bientôt. À bientôt Chantal Goya. Au revoir. Et alors, je vous parle aussi du reste du programme. Il y aura 20h sold out samedi. Il y aura Suarez aussi. Il y aura un feu d'artifice pour clôturer la soirée. Et alors, c'est pas que samedi le concert. Il y aura aussi déjà une ambiance de dingue ce vendredi à Charleroi, en plein cœur de Charleroi. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs demain sur Vivacité. Il y aura des DJ qui seront là pour mettre une ambiance de folie du début de la soirée jusqu'à la fin. Donc, les 350 ans de Charleroi, on va fêter ça tout le week-end. Et il n'y a pas besoin d'être Carolo pour fêter tout ça. Pour la suite du 5 à 7, dans un instant, je vous parle de Selena Gomez. Selena Gomez, vos enfants la connaissent peut-être si vous ne la connaissez pas. Elle interrompt sa tournée à cause d'un lupus. Mais c'est quoi le lupus? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur cette maladie. On en parle juste avant 18h. En télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Ce jeudi 1er septembre, Complètement Foot fait sa rentrée avec les Diables Rouges. Dès 20h, suivez la rencontre amicale Belgique-Espagne en direct du stade Roi Baudouin avec Thierry Luther et Emmanuel Jousse. Et jusqu'à minuit, vous avez la parole pour commenter toute l'actu du foot. Avec David Oudray, Pascal Chimé et Alex Teclac. Complètement Foot. Le retour diablement attendu ce jeudi sur Vivacité. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Demain, dès 11h, sur Vivacité. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Vous avez entendu cet énorme bruit? Ce sont les journées colossales chez Colishop. Des réductions jusqu'à moins 50% sur le matériel de fitness, l'électro et une foule d'autres articles. Rendez-vous vite sur colishop.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Ça, ce morceau-là, je vous rappelle que je vais vous le passer en entier avant la fin de l'émission et vous dites « Oui, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bien ». Eh bien, c'est le tout nouveau Sting. Il est de retour, il y a un album qui sort le 11 novembre, c'est la surprise de la journée. Sting a présenté son nouveau single, je vous le passe, c'est promis avant la fin de cette émission. Et alors pour les fans, bah écoutez, j'ai déjà quelques secondes du refrain, vous êtes prêts? Attention, ça va aller vite, je ne le laisse pas longtemps. 3, 4, écoutez. I can't stop thinking about you. c'est tout. Voilà, la suite tout à l'heure. Restez bien là. Je vous reparle de Sting et surtout, je vous passe le morceau de Sting en entier avant 19h, c'est promis. Il y a le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive. Mais avant, on va parler d'une artiste. Elle s'appelle Selena Gomez. Si vous ne la connaissez pas, à coup sûr, vos enfants la connaissent. Pourquoi je vous parle de Selena Gomez aujourd'hui, c'est qu'elle est en pleine tournée dans le monde entier et elle a dû interrompre sa tournée. On a dit beaucoup de choses sur Selena Gomez. C'est l'ex-petite amie de Justin Bieber, si vous suivez un peu la presse People. À un moment, on avait dit qu'elle était déprimée à cause de sa rupture, sauf qu'en fait, aujourd'hui, on apprend qu'elle est atteinte d'un lupus. On va essayer de savoir plus précisément ce que c'est, le lupus, avec le chef du service de rhumatologie de Saint-Luc, spécialiste d'ailleurs de la maladie du lupus, Frédéric Houssiot, qui est mon invité, le professeur Frédéric Houssiot. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7 ce soir. Vous connaissez Selena Gomez, vous, personnellement ? Pas du tout. Pas du tout ? Bah écoutez, voilà un autre extrait de ce que fait Selena Gomez. C'est cadeau. Ça vous plaît ou vous êtes content qu'elle interrompe sa tournée ? Je réserve ma réponse. Ok, bon, on a compris. Professeur, le lupus, c'est quoi exactement ? Parce qu'on a entendu qu'elle était déprimée, que c'était juste à cause d'un problème de cœur, qu'elle n'était pas en pleine forme. C'est quoi finalement cette maladie ? Ben d'abord, le lupus, c'est une maladie rare hein, qui touche préférentiellement les femmes, qui touche environ une femme sur 2000, donc c'est pas fréquent. Ouais. Et c'est typiquement une maladie, comme on dit, auto-immune, c'est-à-dire où les gens se défendent contre leurs propres cellules, contre ils font des anticorps. Donc ça arrive tout d'un coup, on fait rien de spécial. Ça arrive tout d'un coup, les anticorps sont peut-être déjà là depuis un certain temps, et puis tout d'un coup, ils se mettent à s'énerver un petit peu, et ils font des dégâts dans l'organisme. Alors, ces dégâts peuvent concerner la peau, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le lupus, parce que ça peut provoquer des lésions qui ont été comparées à l'époque, quand on ne connaissait pas grand-chose, à des morsures de loup, d'où le nom de lupus. D'accord. Hein. Mais ça peut aussi toucher les articulations, ça peut donner de l'arthrite, donc de l'inflammation dans les articulations, mais ça peut aussi donner toute une série d'autres symptômes, parce que ces anticorps peuvent circuler, peuvent attaquer effectivement les reins, ça donne alors une atteinte rénale, ça peut mener à des complications comme la dialyse, même dans des cas sévères, bien entendu. Ah oui. Ça peut donner des complications au niveau du sang et des globules blancs qui sont bas, ça peut donner de l'anémie, des globules rouges qui sont bas, et donc ça peut rendre les gens parfois peu malades, mais parfois très malade, et donc ça peut avoir des répercussions importantes sur l'état de santé des gens, absolument. Concrètement, on peut y faire quelque chose ? Est-ce que les fans de Selena Gomez doivent s'inquiéter ? Je ne connais pas Selena Gomez, je ne sais pas sur son état, parce qu'évidemment, il y a lupus et lupus. Hein. Donc, ce qu'il faut bien savoir... En tout cas, elle interrompt sa tournée, c'est qu'elle ne doit pas être en grande forme. Elle ne doit pas être en grande forme, absolument. Mais donc, oui, on peut faire quelque chose à ces maladies. On connaît beaucoup mieux les mécanismes par lesquels les anticorps provoquent les dégâts chez les malades. Et on peut bien sûr donner des médicaments. Un des médicaments qu'on utilise fréquemment dans cette maladie, qui agit très très vite, c'est bien sûr la cortisone, qui a aussi les effets secondaires que l'on connaît. Mais on a de plus en plus des traitements ciblés, des traitements qui sont ciblés sur les molécules qui sont en cause dans cette maladie, qu'on appelle les hormones du système immunitaire, qu'on appelle les cytokines. Enfin, il y a plein de médicaments qui sont actuellement développés pour ces maladies, mais bien sûr, ça peut être une maladie sévère qui peut justifier une interruption d'une activité professionnelle pendant un certain temps, surtout quand la forme est sévère, c'est-à-dire qu'elle touche par exemple les reins ou effectivement le cerveau. Comment on la détecte, cette maladie, à la base ? Ça peut prendre beaucoup de temps avant de tomber dessus ? C'est une très bonne question. En fait, il suffit d'y songer et on a un très bon test qui est la recherche des anticorps dans la prise de sang. D'accord. Et c'est un test qui est extrêmement sensible. Donc si on pense à un lupus chez quelqu'un, on fait une prise de sang. Si la réponse est négative, s'il n'y a pas d'anticorps du lupus, bah, c'est pas un lupus. Par contre, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. On peut avoir les anticorps du lupus et pas avoir la maladie. Ça, c'est un peu compliqué. Ah, mais en tout cas, c'est pas aussi simple que ça, finalement. C'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, faire le diagnostic positif du lupus est assez simple sur base d'une prise de sang et d'une certaine connaissance de la pathologie. Et alors en fonction, bien sûr, des différentes atteintes, on demande des tests plus ou moins sophistiqué. Ah ben merci professeur pour vos explications. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Et rien que pour vous, professeur, puisque vous en êtes fan, c'est cadeau. Un petit peu de Selena Gomez. Merci beaucoup. Si on peut la soutenir et passer un petit peu de sa musique, parce qu'en plus vous l'aimez bien, Selena Gomez, c'était Slow Down à l'instant. Dans quelques secondes, c'est le cactus de Jérôme de Warzé. Bah, c'est même maintenant, c'était ce matin dans le 8-9. vous ai pas dit bon anniversaire, Jérôme. Bon anniversaire. Merci infiniment. Mais je vous en... Aujourd'hui, effectivement. Mais oui, je sais. Jour de la rentrée. Le cactus est le 1er septembre, donc, jour de la rentrée. Mais oui, bonjour. Les petits mâles, les petites femelles. Non. C'est la rentrée des classes pour les élèves de maternelle ce matin. Et nous nous trouvons ici au collège des petits planqués, 16 rue de la Loi. Hein, alors, les rangs se forment, les classes se remplissent. Bonjour, Charles. Oui, ben nous aussi. On est très contents de repartir pour une année supplémentaire. Charles, tu aimes les rentrées, Charles ? Oui, et j'aime beaucoup les rentrées, mais surtout d'argent. Ah bah oui. Alors, pour aider la classe et surtout moi-même, je vends tous les calendriers gratuits qu'on a reçus dans la DH d'hier matin. Et alors aussi, il faudra penser à donner des sous pour que mon prof de gym puisse encore tenir jusqu'à 98 ans, parce que là, il en a 85 et il veut plus faire de poirier en donnant cours d'histoire géo. On verra ça, on verra ça. Mais dites-moi, mais c'est la petite Joël qui arrive avec ses cahiers sous le bras. Ah mais tiens, il n'y a rien dans tes cahiers, Joël. Alors Joël, content de ta rentrée ? Non. je suis peu inscrite. Ah ben non. Alors j'ai essayé de trouver une école en faisant croire que j'avais 3 frères, 6 sœurs et 15 cousins qui étaient déjà. Mais ça s'est vu, j'ai été renvoyé. Ah ben oui. Y a Benoît qui a essayé de me sauver, mais bon, personne ne l'écoute et ça sera toujours comme ça. Ouais, ouais. Et donc, on ne t'accepte plus nulle part ? Non. Et Jacqueline non plus. Elle a trop raté en maths. Ah oui. En plus, elle peut plus se déplacer en train. La SNCB veut plus lui donner d'abonnement. Ah ben oui, ça, j'imagine. Mais c'est quand même pas facile, hein, pas facile. Bon, et ben le petit Théo. Bon, le petit Théo est là également. Aïe, pas pire. Bon, très jolie ta nouvelle. Ah, mais très jolie. C'est pas une trousse, c'est un matraque télescopique pour les élèves qui font retenue. Ah bon ? Il y en a beaucoup ? Tous ceux qui refusent immersion néerlandais. Ah bon. C'est moi qui prends les présences, les empreintes et qui puce ceux qui arrivent d'autres écoles. Ah, ça ne rigole pas. Hein. Ah ben voilà, Elio qui arrive. Bonjour Elio, qu'est-ce que tu fais Elio ? Pour la rentrée, la maîtresse m'a dit qu'on pouvait emmener un petit animal de compagnie. Alors j'ai pris mon panda, qui s'appelle Mao Mao, en hommage à un très grand homme politique chinois, et on m'a dit que je serais pareil que lui plus tard. Même que Raoul, il a dit que c'était pas vrai. Mais lui aussi, il a un panda, il s'appelle Stalin Lin, et Raoul, lui aussi, il veut être comme son panda. Les rêves des enfants. Nous les adultes, mais nous n'avons perdu ce goût du rêve et des choses simples. Non, les enfants, non. Arrêtez de courir là, tous. Lâchez vos smartphones, mais ça n'est pas un Pokémon rare que vous voyez là-bas, c'est la petite Maggie qui arrive. Oh, avec son sac à dos, enfin. N'a pas de sac à dos. Bonjour Maggie. Bonjour Huyendar. Ah, on m'a dit que tu étais délégué de classe. Yeah, j'ai distribué tes numéros, mais pas à tout le monde. Hein. Ah, et ça, c'est un métier que j'aimerais bien faire plus tard. Distribuer tes numéros, mais pas à tout le monde. Hein. Pour avoir un numéro, tu dois être une amie à moi. Oh, allez, j'y vais, c'est moi qui fais la cutie avec de gros écrits à tricoter, ça va saigner. Ah, ben, un petit nouveau, le petit Jean-François, avec sa casquette rouge, son sac poubelle rouge et son mégaphone. Bonjour Jean-François. Je vous emmerde tous, bande de pingouins nazis. Je vais bloquer tous les couloirs de l'école pendant des semaines. Et je veux qu'il y ait une option barbecue, saucisse obligatoire et de la carapils dans tous les distributeurs. Et si mes revendications ne sont pas acceptées, il y a Tonton Marc et Tata Raymond qui vont débarquer. Je peux vous dire qu'ils vont vous la démonter, votre école de merde. Il semble qu'il y a des petits perturbateurs cette année. Et le petit Yvan est là. Bonjour Yvan. Bonjour, moi l'école je m'en fous, de toute façon il n'y a pas besoin de diplôme pour être bourgmestre et je suis sûr que c'est même facile d'être bourgmestre quand on vote pas pour vous et même premier ministre quand on n'a pas le plus de points. Alors l'école, moi je l'ai dit à Marie-Martine qui trouve que l'école c'est important et de toute façon elle est trop bête. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce que quand elle sera grande elle y sera encore et ça faut être bête. Hein. Et puis elle a fait un devoir de vacances qui s'appelle le pacte d'excellence et ben personne n'y comprend rien. Et surtout les profs, ils pleurent et ils veulent se jeter par la fenêtre. Oh, mais où est-ce que tu vas avec ce gros couteau ? Crever les pneus de toutes les voitures autour de l'école. Comme ça, il y aura plus de place pour que les piétons ils puissent marcher. Les rêves des enfants, ils sont un peu agressifs. Hein. Ah ben Marie-Christine, mais tu as toutes des rustines sur toi. C'est parce que les chaudières de l'école, elles sont toutes cassées. Alors je vais mettre des gros sparadraps pour faire croire que tout va bien, mais personne ne doit savoir. Ah bah oui. Et le petit Koun, hein, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, petit Koun ? Rien. Rien, et même si j'ai un bloop, je ferai en sorte que ça ne se voit pas. Hein. T'en fais pas, ça sera comme ça. T'en fais pas. Mais merci les enfants et bonne rentrée. Ah, bravo, le castel, bien joué les gars. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. C'est l'heure de tout savoir sur la météo grâce à vous, Dominique. Et que le ciel sera bien dégagé la nuit prochaine, ça je vous l'annonce officiellement, minima entre 10 et 12 degrés. Par contre, demain, ça va se couvrir un petit peu en soirée, 22 à 26 degrés, ceci dit pendant la journée. Et puis samedi, des nuages encore, mais toujours autant de douceur. Merci Dominique. Dans un instant, pour la suite de ce 5 à 7 des cadeaux à gagner, bougez pas, vous allez être gâtés. Ah bah vraiment, dans quelques minutes, vous allez être gâtés. Et puis on parlera d'un poste dont on parle beaucoup dans l'actu aujourd'hui. C'est responsable des achats de fiction à la RTBF. On a une nouvelle collègue aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce boulot? Qui achète? Comment est-ce qu'on achète les fictions que vous voyez à la télé? On y répond dans quelques minutes. On parlera d'une nouvelle école aussi, l'école des trèfles à Anderlecht. L'idée est de développer tout un programme bio pour les enfants, un programme écologique. Tout ça, c'est après le journal de 18h. Vous n'avez pas l'occasion de saisir la balle au bon et de vivre le match des Diables Rouges chez vous? Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez le match où vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Merci d'écouter Viva, il est 18h. La rentrée scolaire, c'est déjà de l'histoire ancienne. Avez-vous coupé votre moteur quand vous avez été rechercher votre enfant? Attention au pic de pollution. 11 personnes ont été retrouvées dans un camion frigorifique ce matin près de Houyé. Des personnes d'origine afghane et pakistanaise. Elles sont en situation illégale. Elles ont été transférées vers la police fédérale de Namur. H-3 avant de revoir les Diables Rouges sur le gazon. Premier match amical depuis l'Euro face à l'Espagne. C'est ce soir. Dans le journal des sports, vous entendrez notamment Roberto Martinez, le nouvel entraîneur des Diables. Le journal sur Vivacité avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La première journée d'école, c'est fini pour tout le monde à présent. Les derniers enfants ont quitté les garderies. Alors comment s'est passée cette rentrée? Très bien pour Tineke de Beuys, la directrice de l'école primaire et maternelle de Creek à Schaerbeek en région bruxelloise. Elle était impatiente que ça commence. C'est un jour de fête. Le 1er septembre pour nous, c'est vraiment une grande fête. De voir rentrer tous les enfants avec une grande sourire, avec leurs belles vêtements et tout ça, j'ai vraiment bien aimé et ça s'est super bien passé. Ouais. Ici, c'est une école assez récente ici, hein. Vous êtes encore dans des locaux provisoires, je crois. Ouais. Malgré tout le monde s'en accommode et tout le monde trouve sa place. Oui, c'est une école qui a commencé en 2011, alors c'est notre sixième année. Alors c'est la première fois qu'on a le sixième primaire. Mais oui, c'est une école provisoire, mais c'est quand même une vraie école avec des escaliers, d'une grande salle et des classes. Et on est bien, bien accommodés. Est-ce que vous deviez garder une image, un souvenir de la journée d'aujourd'hui? Oui, c'est toujours les grands sourires des enfants. Oui, et les lumières dans les yeux. Une interview réalisée par Pierre Vandenbulck. Couper le moteur, c'est le message que lance le ministre wallon de l'Environnement à l'occasion de la rentrée des classes. À destination des parents, lorsqu'ils sont à proximité des écoles pour aller déposer ou chercher leur enfant. Un pneumologue nous le confirmait ce matin. Être exposé à cette pollution dès l'enfance et sur le long terme est cancérigène. Une campagne qui interpelle en tout cas Élise Debru. Elle est prof de gym à l'école communale du Rossignol à Mons. C'est vrai qu'il y a énormément de parents qui se mettent en double fil ou mal garés et qui laissent leur moteur tourner. Il y a pas mal de parents de notre école qui viennent à pied, donc ça c'est déjà super. Et je trouve clairement que c'est vraiment une bonne idée de lancer cette campagne, de pouvoir arrêter le moteur, en effet, de prendre le temps de se garer correctement et d'accompagner son enfant. En plus de la pollution, je trouve ça important de pouvoir prendre le temps quand même d'accompagner son enfant. Ça prend que quelques minutes, et c'est bien de faire ça. Est-ce qu'on s'en rend compte assez vite finalement que la pollution augmente quand il y a plusieurs voitures à l'arrêt? Ça c'est sûr qu'au niveau de l'odeur, on s'en rend compte directement. Vous croyez que ce sera facile de sensibiliser les parents? Dans l'intérêt de leur enfant, je pense que c'est évident. Je pense qu'ils peuvent le comprendre. Maintenant, c'est sûr que les parents sont souvent pressés. Ils cherchent la solution pratique et vite faite. Mais je pense qu'il y a moyen, oui, de les sensibiliser à ça. Élise Debru, prof de gym à Mons, au micro de Natacha Stragier. Les travailleurs de l'entreprise Caterpillar à Gosselies sont inquiets. Un conseil d'entreprise extraordinaire a été convoqué. Il aura lieu demain. Une réunion identique est prévue dans d'autres sièges européens du groupe. 2000 personnes travaillent à Gosselies pour Caterpillar. Il y a 2 ans et demi environ, près de 1300 travailleurs avaient été licenciés. Le taux de l'impôt des sociétés devrait passer de 34% à 20% d'ici 2019 en trois phases, selon le projet de réforme du ministre des Finances, Johan Van Overdvelt. La baisse sera plus rapide pour les petites entreprises. 11 personnes en situation illégale, dont 2 mineurs d'âge, ont été retrouvées dans un camion frigorifique ce matin. C'était sur le parking autoroutier de Wanlin, dans la commune d'Ouillet, en province de Namur. Les 11 personnes seraient d'origine afghane et pakistanaise. Elles voulaient visiblement se rendre en Angleterre. À ce stade-ci de l'enquête, on ne sait pas si le camionneur est impliqué dans un trafic de clandestins. Le type de camion frigorifique interpelle évidemment, mais heureusement il n'y a pas eu de problème de santé. Pierre Jacobs de la zone de police, l'SLOM. C'est un conteneur qui est placé sur un camion et qui a une fonction frigorifique. Il faisait très froid, donc ces personnes étaient dans des conditions difficiles ? Non, le frigo ne fonctionne pas, mais fatalement, il y a de l'isolation, et donc il y a peu d'air, et il n'y a pas de ventilation, puisque c'est par définition, un frigo est isolé. Je pense qu'à un moment donné, vu le temps qu'ils ont passé à l'intérieur, donc il y a probablement qu'ils n'étaient pas à l'aise, ou qu'ils commençaient à souffrir de différents malaises, et donc ils ont souhaité sortir, mais ils ne savaient pas sortir. Où sont ces personnes pour l'instant qui étaient dans le conteneur du camion ? Elles se trouvent dans les locaux de la police fédérale à Namur. Les conducteurs, donc on ne sait toujours pas s'ils étaient impliqués ou non, s'ils savaient que ces clandestins étaient dans leur conteneur. J'ai pas d'informations à ce sujet-là. Une interview de Laurence Lane. Les personnes en situation illégale ont été transférées vers la police fédérale de Namur. L'Office des étrangers a été prévenu. Dans l'actualité internationale, au Brésil, la présidente destituée Dilma Rousseff fait appel de la décision du Sénat qui l'a écartée du pouvoir hier. Dilma Rousseff demande un nouveau procès. Retour chez nous, le théâtre gratuit, c'est ce que propose la ville de Bruxelles aux seniors. Attention uniquement aux résidents bruxellois de 65 ans et plus. 1300 places au total seront offertes. Elles peuvent être retirées au musée du costume et de la dentelle à Bruxelles. Ah bah c'est sympa comme initiative. Pourquoi pas ? Bah c'est chouette d'aller au théâtre. Vous allez parfois vous au théâtre ? Oui. Souvent ? De temps pas en temps. Pas assez souvent. De temps en temps, quand j'ai le temps. Voilà. En plus, il y a de très bons comédiens belges. Il faut se partager entre le cinéma, les sorties, le théâtre. Ouais, ça c'est vrai que c'est compliqué. Mais il y a d'excellents comédiens belges qui demandent à être soutenus. Il y a plein de pièces un peu partout en Wallonie, à Bruxelles. Il faut y aller. On ira. Merci Justine pour ce journal. Dans un instant, le journal des sports, on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info et on retrouve Marjorie Bilot. Il y a des soucis ou pas ce soir, Marjorie ? Oui, Cyril, sur le 42 Liège-Mons, car un accident à Manage neutralise deux voies au kilomètre 96.6 et provoque 3,5 km de file avec plus de 20 minutes perdues en direction de Mons. Nous avons aussi des travaux à Assès et même quelques kilomètres avant Assès sur le 411 Arlon vers Namur. Et voilà, ça vous fait perdre là aussi quelques minutes un peu avant Assès vers Namur. Des travaux qui devraient se terminer aujourd'hui à 20h. Et puis sur le ring, 25 minutes supplémentaires, plus ou moins sur le tronçon Zaventem Grand Bigard. Mais oui, ça se charge de Woluwe-Saint-Etienne à Mechelen et puis de Grimbergen à Wemmel vers Grand Bigard. Mis à part cela, eh bien, pas trop de soucis en ce 1er septembre en soi, au début de soirée. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Christophe Durand. Et Christophe, ça y est, c'est le jour J, le premier match des Diables Rouges sous l'air Roberto Martinez. Belgique-Espagne, première sortie des Belges depuis la terrible déception de l'Euro 2016 et l'élimination en quart de finale contre le Pays de Galles. C'est surtout un match de préparation en vue de la rencontre de mardi à Chypre qui sera qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Le match contre l'Espagne était initialement programmé le 17 novembre dernier, mais il a dû être annulé suite aux attentats de Paris. Manuel Jousse nous dresse le portrait de cet affrontement toujours un peu particulier, à un peu moins de 3 heures du coup d'envoi. Belgique-Espagne, c'est avant tout une histoire de destin croisé. Les deux équipes sortent d'une grosse déception à l'Euro, élimination en quart pour les Diables, en huitième pour les Espagnols. Les deux équipes se sont séparées de leurs sélectionneurs, Marc Wilmots d'un côté et Vicente del Bosque de l'autre. Toutes deux entament aujourd'hui une nouvelle ère sous la houlette de deux entraîneurs amis, le catalan Roberto Martinez pour la Belgique, le basque Julen Lopetegui pour l'Espagne. Dans un camp comme dans l'autre, on prétend que le résultat n'est pas le plus important, mais la manœuvre est est bien connu. Question de prestige et de rivalité, le résultat sera forcément important. Et en cas de succès belge, il pourrait même booster les Diables avant le début de leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde, mardi prochain à Chypre. Depuis sa nomination, Martinez se dit intrigué par ce football belge bourré de talent, mais qui peine parfois à l'exprimer. Ce soir, le successeur de Wilmots sera très attentif à l'attitude des joueurs sur le terrain. En d'autres termes, il veut voir à l'œuvre des battants réinsuffler une rage de vaincre qui avait sans doute quelque peu disparu ces derniers temps. Et pour la petite histoire, cet affrontement permettra de payer l'indemnité de licenciement du prédécesseur de Roberto Martinez, Marc Wilmots, dont l'ombre planera certainement ce soir sur le stade Roi Baudouin. Thibaut Courtois est d'ailleurs revenu sur ce que les Diables doivent absolument améliorer sous l'ère Martinez. Peut-être on doit avoir plus organisation tactique aussi, qu'on joue parfois contre des autres formations, tu vois, on ne savait pas toujours nous adapter et on ne savait pas toujours quand on devait faire. Et en plus, je crois aussi qu'on a peut-être besoin plus de mentalité de vainqueur. Et cette intelligence tactique, cette mentalité de vainqueur dont parle Thibaut Courtois, c'est donc désormais au niveau sélectionneur belge de l'inculquer à son groupe, Roberto Martinez, qui entame son mandat ce soir face à son pays d'origine, qui plus est face à son ami et nouvel entraîneur de la Roja, Julen Lopetegui. Le catalan nous parle du contexte émotionnel particulier qui entoure la rencontre de ce soir. C'est très étrange. Je pense que c'est l'un de ces moments que nous connaissons tous dans nos vies où l'on peut dire que c'est le destin. Mais le football, ce n'est pas une histoire de coach. Ce n'est pas ma situation personnelle qui compte. Ce qui compte, ce sont les joueurs, ces générations talentueuses qui vont s'affronter ce soir avec des concepts footballistiques similaires. Je veux que mes joueurs montrent un beau visage à leurs supporters et débute une relation forte avec le public belge, parce qu'une équipe n'est rien sans ses supporters, et je voudrais que les nôtres comprennent bien cela. Roberto Martinez, qui met l'accent sur le 12e homme comme son prédécesseur, fera-t-il mieux que Marc Wilmots chez les Diables Rouges? Premier élément de réponse dès 20h45. On sait déjà qu'Eden Hazard sera capitaine. En défense, Jordan Lukaku, Vertonghen, Alderweireld et Meunier devraient débuter, soit 3 des 4 défenseurs alignés lors du dernier match perdu face au Pays de Galles. Dembélé devrait suppléer Witzel dans l'entrejeu et puis Romelu Lukaku devrait garder la préséance en pointe de l'attaque. Le match est à suivre en direct sur Vivacité dès 19h et sur tous les médias de l'RTBF. Alors vous parliez d'Axel Witzel, Christophe, il ne devrait pas commencer le match ce soir, et pour cause, le mercato s'est arrêté à minuit sur une énorme désillusion pour lui. Witzel était très proche de l'Italie et de la Juventus de Turin. Finalement, il est contraint de rester à Saint-Pétersbourg, où il possède encore un an de contrat au Zénith. La Juve avait pourtant fait un gros effort financier avec une proposition autour des 21 millions d'euros, énorme pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Et Brouzakis lève un coin du voile sur ce dossier un peu nébuleux. Axel Witzel et la Juve, c'était quasi fait. Les deux parties avaient effectué un pas l'une vers l'autre. Sacha Tavioleri est journaliste sportif à la Radio Italia. Chaque lundi, il débriefe le football italien. Witzel a même renoncé à une partie du pourcentage sur la revente qu'il aurait pu éventuellement toucher. Côté turinois, la volonté de signer Witzel était énorme. L'absence de Pogba, parti à Manchester, et la blessure de Marchisio y était pour beaucoup. Nicolo Licata est le correspondant en Belgique du grand quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport. Quand on va aux pages 4, on dit Juve top, mais sans Witzel. Witzel était vraiment la cerise sur le gâteau pour la Juventus de Turin. Mais la troisième partie, à savoir le Zénith Saint-Pétersbourg, a fait traîner le dossier jusqu'à dépasser leurs limites. Le Zénith a refusé de donner l'accord pour le transfert, tout simplement parce que Lucescu n'a pas eu remplaçant adéquat pour Witzel, la Juve est furax, quoi. Entendez par là que la Juve ne va pas mettre en janvier 6 ou 7 millions pour un joueur qui sera gratuit en juin. Du côté d'Axel Witzel, la déception reste bien sûr de mise, mais Thierry Witzel, son papa et conseiller, l'assure, il a déjà tourné la page. C'est sûr qu'il est déçu, hein, mais faut pas qu'on oublie que le Zénith reste son employeur, donc la déception a été atténuée parce que c'est un compétiteur. Il faut qu'il passe à autre chose. Donc, je pense qu'Axel mérite de pouvoir jouer dans un grand championnat et dans un grand club tel que la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juve et le clan Witzel auraient déjà un accord pour un transfert en juin. L'ex-standardman a réagi sur Twitter il y a une heure en écrivant que la vie continue avant d'y aller d'un Common Belgium tous ensemble pour ce soir. Et en parlant du Standard, le mercato n'a pas encore tout à fait pris fin pour les Rouges. Et non, puisque les Liégeois viennent d'officialiser l'arrivée d'Ishak Belfodil, un attaquant international algérien qui était libre. Belfodil, 24 ans, est passé notamment par Lyon, Parme et l'Inter, où il n'a pas réussi. Il a signé pour un an avec une année supplémentaire en option. Il s'agit de la 5e recrue estivale des Liégeois. liégeois. On revient un moment en Italie où les 20 clubs de l'élite ont dépensé plus de 700 millions d'euros durant ce mercato. Oui, c'est beaucoup, mais c'est encore peu d'argent par rapport à la Première Ligue qui a sorti pas moins d'1,38 milliard d'euros, record battu de 34% par rapport à l'année dernière. Manchester United s'est par exemple offert le joueur le plus cher du monde, Paul Pogba, pour 105 millions. Pour rappel, la D1 anglaise tire ses moyens pharaoniques des droits TV, qui sont les plus élevés du monde. Suivent derrière la Bundesliga, qui a dépensé 546 millions d'euros durant ce mercato, la Liga 475 millions de dépenses, et la Ligue 1 avec des achats cumulés estimés à 196 millions d'euros. Et tant qu'on est dans les gros sous, cette mauvaise nouvelle pour le Kaiser Frank Beckenbauer, inculpé par la justice suisse. Oui, la légende du football allemand Franz Beckenbauer est poursuivie pour blanchiment d'argent, escroquerie et gestion déloyale. Une enquête a été ouverte dans le cadre de l'attribution du Mondial 2006. Beckenbauer était président du comité de candidature à l'époque. Il aurait utilisé un fonds secret d'environ 7 millions d'euros pour acheter des voix et obtenir l'organisation du Mondial en Allemagne. Beckenbauer fait partie d'un groupe de 4 personnes qui sont poursuivies par la justice suisse dans cette affaire. Une affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. On passe à la Formule 1 et en marge du Grand Prix d'Italie dimanche à Monza, Felipe Massa a annoncé qu'il quittera le paddock en fin de saison. Le Brésilien de 35 ans prendra sa retraite après 14 saisons au plus haut niveau. Durant cette période, le pilote Williams a roulé pour 3 écuries, mais il a connu ses plus belles heures chez Ferrari. Son palmarès renseigne 11 victoires, 41 podiums et un titre de vice-champion du monde en 2008. En 2009, il avait été victime d'un grave accident en Hongrie. Felipe Massa occupe actuellement la 10e place au classement des pilotes. Il disputera le dernier Grand Prix de sa carrière à Abu Dhabi en novembre prochain, son 250e personnel. En cyclisme, bonne nouvelle sur la Vuelta avec cette 4e victoire belge. Et oui, puisqu'après les 2 victoires de Gianni Meersman et celle de Jonas Van Echten, Jens Kökeler a remporté au sprint la 12e étape aujourd'hui. Une étape de 193 km entre Corrales de Buelna et Bilbao. Il a devancé le français Bouet et l'italien Fellini. Jan Bakelans a terminé 7e. C'est le colombien Quintana qui est toujours leader au classement général avec 54 secondes d'avance sur Chris Froome, toujours en cyclisme et en bref. Bahrain Merida a annoncé l'arrivée de 2 nouveaux coureurs pour 2017. Il s'agit de l'Australien Henrich Osler et le Slovène Grega Bolle. Le Colombien Jarlinson Pantano passe lui chez Trek Segafredo pour 2 saisons. Et de son côté, Kevin Van Melsen a prolongé pour une année supplémentaire chez Wanty Group Gobert. Le Verviétois de 29 ans entamera donc sa 9e saison dans les rangs de la formation cycliste belge. Merci Christophe pour ce journal des sports. Il est 18h16. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Il faut que je vous parle de cadeaux, il y a des cadeaux à gagner ce soir. Alors vous allez être gâtés, puisque vous savez que tous les jours dans le 5 à 7, même si l'été n'est pas terminé, on part encore un petit peu en vacances. Grâce au beau vélo de Ravel, vous repartez avec des entrées pour une attraction touristique wallonne, bruxelloise, un musée, plein de choses à faire. Et ce soir, je vous offre 4 entrées pour Sun Parks à Vielsalm. Qui va repartir avec? Bah vous, si vous envoyez un message. Tout ça, c'est grâce au beau vélo de Ravel, 365.be, où vous retrouvez toutes les activités à faire partout à Bruxelles et en Wallonie, dans toute la Belgique d'ailleurs. À Ciné Télé Revue, notre partenaire également. Alors pour repartir, donc c'est repartir avec ces 4 entrées pour Sun Parks à Vielsalm, suffit de m'envoyer un SMS maintenant, c'est facile quand même. Vous envoyez Ravel, R-A-V-E-L au 6003, c'est 75 centimes le message, vous jouez maintenant et dans quelques minutes peut-être que vous repartez avec ces beaux cadeaux. Dans un instant, on parlera d'un boulot dont vous avez peut-être découvert l'existence aujourd'hui dans l'actualité. On parlera du boulot de responsable d'achat de fiction. Ça existe à la RTBF, on en parle dans l'actu aujourd'hui. Mais c'est quoi ce boulot? Il y a quelqu'un qui donc achète les fictions que vous regardez à la télé. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on achète? On verra ça dans quelques minutes sur Vivacité. On parlera aussi avant 19h de l'école des trèfles à Anderlecht. C'est une nouvelle école, elle a été inaugurée en juin mais vient d'ouvrir tout juste ses portes. Et l'idée c'est d'avoir un vrai développement, une vraie sensibilisation à l'écologie pour les enfants. C'est unique, on en parle dans quelques minutes sur Vivacité. Et avant 19h, je vous l'ai promis, il y aura le tout nouveau single de Sting que je vous passerai. Je vous ai fait découvrir quelques secondes du refrain tout à l'heure, quelques secondes de l'intro. Ben, l'intégralité du morceau, c'est avant 19h, bougez pas. Et puis, on va du côté du standard tout de suite. Il y avait Chantal Goya qui était l'invitée de ce 5 à 7 tout à l'heure. Et je vous ai demandé de me dire au 3063 quelle était votre chanson préférée de Chantal Goya. Il y a une fan qui est avec moi au téléphone, Camille de Liège. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir. Ça va bien Camille? Oui, très bien, merci, et vous? Ben, ça va super, je suis content de vous avoir au téléphone Camille, vous savez. C'est gentil. Ah bah, de rien. Camille, vous êtes une fan de Chantal Goya, vous avez chanté sur ses chansons, et c'est quoi votre chanson préférée de Chantal ? Bécassine. Bécassine. Ah bah on vous la passe, rien que pour vous, Bécassine. Ah, c'est gentil, merci. Vous chantez avec ? Bécassine. Ah ouais, vous faites ça très très bien. Et j'ai pas chanté parce que je vais faire pleuvoir. Non, dites donc, vous avez une très belle voix, Camille. Faut pas le prendre comme ça. Camille, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si demain, enfin, après-demain, Charleroi, Chantal Goya, un petit rhume, un petit voile sur la voix, vous pouvez très bien la remplacer. Hein. Ok, pas de souci. Vous l'avez déjà vu en concert, Chantal Goya ? Non, jamais. Eh ben alors, pourquoi vous partez pas à Charleroi samedi ? Elle y sera à 16h. Ah oui, ok, pas de problème. Ça peut être pas mal, ça, pour les 350 ans de la ville avec la RTBF. Chantal Goya sur scène, à 16h. Vous serez au rendez-vous ? Oui, oui. Je compte sur vous, Camille, je vérifierai, je viendrai aussi. Hein. Pas de problème, allez. Et ce qu'on fait, c'est que je dirai Camille ! Camille ! Et on dansera ensemble sur Bécassine. D'accord ? Et je crierai, je suis là. Le rendez-vous est pris, Camille, alors. À samedi. Ok, ça va. À samedi. Je vous embrasse, Camille. Au revoir. 3063 par SMS. Vous me dites aussi quelle est votre chanson préférée de Chantal Goya ou la chanson de votre enfance. Sur la page Facebook, ça marche aussi. Je vous attends. Facebook.com/5à7. Vivacité. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le Tip Top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un poncho de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Ben ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Parfait pour toute la famille, un PC portable qui se transforme facilement en tablette. Et vice-versa. Un portable avec clavier pour le travail, une tablette avec écran tactile pour la maison. Ou vice-versa. On peut aussi jouer dessus ou regarder des films. Ah, ça va plaire aux enfants, ça. Et avec sa batterie puissante, on peut l'utiliser partout. De la voiture à l'avion. Quand c'est nouveau et c'est bien pensé, c'est chez Vandenborg. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Regardez vite sur vandenborg.be ou dans l'un de nos magasins. Dites, la Peugeot 2008, là, le Grip Control, elle l'a ? Elle l'a. Et le High Cockpit avec écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Candice Cotter nous parlera de cuisine dans quelques minutes sur Vivacité, mais juste avant, on va revenir sur un poste dont on a appris l'existence, en tout cas pour certains, aujourd'hui dans la presse, puisqu'on en parle d'une responsable des achats de fiction à la RTBF dans un peu tous les journaux aujourd'hui. Emmanuel Tourbe, vous êtes directeur de la programmation de la RTBF et vous êtes la personne qui va pouvoir nous expliquer ce qu'est le boulot de responsable des achats de fiction à la RTBF. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, on va essayer en tout cas. Ah bah allons-y, alors merci d'être ce soir dans le 5 à 7. On vous écoute, on est installé derrière notre banc parce que c'est la rentrée aujourd'hui. C'est quoi un responsable des achats de fiction à la RTBF ? On se promène dans un supermarché, une espèce de vidéoclub géant et on achète, on met dans son caddie, on passe à la caisse ? Ah, c'est un peu différent évidemment. D'abord c'est un poste assez rare, qui n'existe évidemment pas en grand nombre. Ce sont des spécialités très recherchées. Alors un acheteur fiction dans une télévision... Bon, à la RTBF, ça a une importance qui est grande, même si, comme vous savez, on produit énormément de choses. Ouais, on ne fait pas que acheter, on produit énormément, on coproduit, on produit même des séries belges, comme vous le savez, comme La Trêve ou Ennemi Public. Mais enfin, voilà, ça ne remplit pas toutes les productions qu'on peut faire. 24 heures sur 24 nos trois chaînes de télévision. Donc forcément, on achète un certain nombre de choses. Mmh. Et d'autant plus que les RTBF, on aime le cinéma et puis on aime aussi pouvoir proposer de la fiction. C'est un genre qu'on aime. Et donc on a un poste d'acheteur fiction en télévision. Alors, quelles sont les qualités d'un acheteur fiction et qu'est-ce qu'il fait de sa journée ? Eh bien, il fait deux choses. D'abord, il doit identifier pour nous, en fonction d'un certain nombre de guidelines, de lignes qu'on lui fixe, il doit identifier pour nous les meilleures séries, les meilleurs films, et nous les proposer. Et faire en sorte que ça plaise aux téléspectateurs après, quoi. Évidemment, donc on doit lui dire, telle chaîne, c'est tel public, essaie de nous trouver la meilleure série. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Hier soir, on a débuté la série qui s'appelle Mr. Robot. Ouais. C'est une série qui a eu 2 Golden Globes, 6 Emmy Awards. Il fallait l'identifier et il fallait pouvoir nous la proposer. Ça, c'est le premier travail. Donc, il doit d'abord repérer les meilleurs films, les meilleures séries et aussi pour les après-midi, des soaps, il faut pouvoir repérer des téléfilms, enfin un certain nombre de choses. Donc, c'est d'abord quelqu'un qui repère. C'est d'abord quelqu'un qui isole et c'est quelqu'un qui dit, ça, c'est bon et ça ira bien sur nos chaînes, je vous le propose. Alors, après ça, il y a un deuxième aspect du métier qui est plus compliqué encore, c'est la négociation. Ça se passe comment ça? Oui, évidemment. Donc, il faut pouvoir négocier au meilleur prix les meilleures choses. Et c'est qui c'est, on négocie avec qui, ça, en fait? Vous négociez avec des gens extrêmement différents. D'abord, évidemment, quand c'est des séries américaines, souvent, c'est avec les grandes majors américaines. Vous les connaissez, Warner, etc. Mm-hmm. Où il y a certains... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs façons de négocier. Ou bien avec des studios indépendants, comme HBO, là où on a pu avoir, par exemple, Game of Thrones. Ah oui, très bon achat, d'ailleurs. Très bon achat, tout à fait. Ou bien, par exemple, vous négociez des paquets de films. Évidemment, dans le paquet, vous vérifiez qu'il n'y a que ce que vous voulez. Oui, parce qu'on peut peut-être vous fourguer des trucs qui ne vous intéressent pas, alors. Souvent, le grand art de la négociation, c'est d'avoir dans ces paquets le maximum de choses qui nous intéressent et le minimum de choses qu'on ne veut pas, bien sûr. Maintenant, il y a toujours un petit art du compromis, c'est de la négo. Donc forcément, le vendeur, il veut gagner et l'acheteur, il veut gagner aussi. Oui. Et donc, c'est un métier qui... les deux grandes qualités d'un acheteur fiction, c'est de pouvoir repérer ce qu'il y a de meilleur pour la chaîne, en fonction de ce que nous lui demandons. Pour la 1, ce qu'il y a de plus familial. Pour la 2, des choses qui sont un peu plus extraordinaires, de grande qualité. Pour la 3, des choses qui sont en VO, qui sont plus culturelles. Et de l'identifier, une fois que ça s'est identifié, que nous avons donné l'accord, ça c'est un énorme travail de démarchage qui demande de grandes qualités relationnelles, qui demande surtout beaucoup de temps, parce que quand vous avez des contacts dans les marchés ou à l'étranger, souvent, la qualité de la relation que vous avez avec votre vendeur, elle peut être extrêmement déterminante. Donc imaginons, par exemple, que vous êtes un acheteur fiction, vous êtes un candidat acheteur fiction, mais que vous êtes particulièrement antipathique, et que quand vous êtes sur un marché, vous commencez tout de suite à attaquer sur la fiction, sans d'abord parler des femmes, des enfants, de comment ça se passe, la vie, etc. C'est la chaîne d'à côté qui va l'avoir. Vous êtes un très mauvais acheteur. Évidemment. Donc le côté relationnel est extrêmement important dans ce métier, et la qualité de la négociation est aussi déterminante que la capacité à isoler les bons films et les bonnes séries. Merci Emmanuel pour toutes ces explications. Peut-être rapidement avant de partir, le meilleur achat de la saison, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur les antennes de la RTBF ? Alors, en série, très clairement, pour moi, c'est Blind Spot qui arrive le 8 septembre sur la Une. Ouais. C'est la série qui a cartonné aux États-Unis l'an dernier, qui est absolument passionnante. Je vous fais très vite le pitch. C'est quelqu'un qu'on découvre, une femme totalement tatouée, qu'on découvre un jour nue dans une rue de New York. Mais il se trouve que sur ce tatouage, il y a de quoi sauver le monde. Hier soir, pour moi, c'est deuxième meilleur achat, c'est Mr. Robot, très clairement. Cette série est juste extraordinaire, c'est une série absolument fascinante. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vue hier soir, à la découvrir sur OVIO ou la semaine prochaine sur la 2. Et puis alors, dans les films, je suis extraordinairement fier de pouvoir vous annoncer le 12 septembre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est le plus gros score. Génial. Depuis Intouchable. Depuis Intouchable, et c'est chez nous le 12 septembre dans la fameuse soirée VIP, mais vous trouverez aussi d'autres films comme Interstellar, comme Gone Girls. Enfin, dans l'offre cinéma, je pense pouvoir vous dire que sur la RTBF, il y a 70% des films qui ont fait le plus d'entrées, c'est sur la RTBF, et ça, c'est dû aux qualités de l'acheteur, bien sûr, qui n'est pas tout seul, qui n'est pas en freelance, qui suit des guidelines et qui a un management autour de lui. Mais voilà, c'est ce genre de qualité, et ça permet d'offrir sur la 1, sur la 2 et sur la 3, une œuvre de fiction, je crois, qui est parmi les meilleures. Merci beaucoup Emmanuel Tour pour toutes vos précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de la programmation de la RTBF. Bonne soirée à vous Emmanuel, il est 18h28. Dans un instant le journal et puis juste après, toute l'actu cuisine, c'est Candice Cotter qui nous rejoint comme tous les soirs. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrombelle-et-Béguine. À l'arrivée, juste avant l'apérobic, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Ce pays est en sursis permanent. Mais entre deuil et engouement sportif, il n'a jamais été autant tapissé de noir, jaune et rouge que cette année. Que signifie donc être belge aujourd'hui ? Le Vif l'Express a enquêté derrière les drapeaux. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Peugeot Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez Peugeot Mézère et Peugeot Uccle Drogon Boss. Voici les titres de l'actualité, c'est avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La rentrée est depuis de bonnes heures maintenant. Les retours à la maison après la première journée d'école en maternelle et en primaire. Premier cahier à recouvrir, premier manuel à acheter également. Premier câlin aussi, peut-être pour ceux qui se sont sentis un peu dépaysés lors de cette première journée d'école. Le stress de la première journée est également passé pour les enseignants, principalement pour ceux qui débutent. C'est toujours difficile dans ces cas-là. De très mauvaises nouvelles pressenties pour l'emploi chez Caterpillar. À Gosselies, près de Charleroi. Un conseil d'entreprise extraordinaire est annoncé demain matin, de même que sur d'autres sites européens. Alors la fermeture de certains sites sera-t-elle annoncée ? Rien n'est impossible, selon les syndicats. La situation s'est dégradée ces derniers mois. Pourtant, le plus dur semblait être derrière Caterpillar, qui s'était séparé de 10 000 personnes au niveau mondial en 2015 et qui avait supprimé 1400 emplois en Belgique. Mais cela, malgré les investissements qui avaient été effectués, les ventes sont décevantes. 11 illégaux, dont 2 mineurs d'âge, retrouvés dans un camion frigorifique ce matin sur le parking autoroutier de Wanlin, dans la commune de Houillet, en province de Namur. Ces 11 personnes seraient à l'origine d'origine afghane et pakistanaise. Elles voulaient visiblement se rendre en Angleterre. À 19h, nous évoquerons également cette éclipse solaire. Elle a pu être observée dans l'hémisphère sud aujourd'hui, particulièrement en Afrique ou encore sur l'île de la Réunion. Des centaines de passionnés se sont rassemblés pour observer cette éclipse annulaire. Notre correspondante a pu y assister. Et puis, ça ne vous a pas échappé, Cyril, les Diables Rouges font également leur rentrée ce soir. Match amical face à l'Espagne à 20h45 au Stade Roi-Baudouin. À suivre sur tous les médias de la RTBF et notamment sur Vivacité. C'est la première rencontre pour le nouveau sélectionneur Roberto Martinez qui va être scruté évidemment par tous les téléspectateurs, spectateurs, tous les fans, supporters et ceux qui suivent de près et de loin les Diables Rouges. Et je vous rappelle que David est l'homme qui n'y croit pas puisqu'il a pronostiqué Diable Noir, mais c'est Pascal Chimel le prêt des Diables Noirs. Moi j'ai pronostiqué hier un match nul. Un partout. Alors d'ailleurs tout à l'heure émission spéciale des 19h à suivre avec David Oudret, Alex Teclac, Pascal Chimet, toute l'équipe et puis vous aussi qui serez là et qui aurez l'occasion de participer à Complètement Foot dans une petite demi-heure maintenant. La météo, ça dit quoi Dominique ? Ça dit que demain le soleil va revenir de manière plus franche qu'aujourd'hui. On attend attend 22 à 26 degrés côté température. Attention, le ciel va se couvrir en soirée. Samedi, ciel couvert, mais douceur. Par contre, dimanche, c'est une dégradation qui va se mettre en place avec plus de vent et des périodes de pluie. Ceci dit, maxima 18 à 22 degrés quand même. Avant de retrouver Candice Cotter dans un instant, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Marjorie Bilot, ça roule bien, 18h33. Eh bien, en province de Liège, en fait, on a deux accidents, mais ça roule globalement bien. Un accident sur la 602 chez Nélon-Saint à hauteur de Bonne Fortune qui là, eh bien, provoque une circulation à l'arrêt. Sachez que l'accès 31A Bonne Fortune est fermé si vous allez en direction de Lon-Saint. Et puis autre accident sur le 25 Liège-Bastogne au kilomètre 10 à Beaufailly qui rend le passage difficile vers Bastogne. Et du côté du ring de Bruxelles, eh bien, vous perdez 15-20 minutes maximum sur le tronçon Zaventem Grand Bigard et ailleurs moins de 10 minutes voire moins de 5 minutes sur le ring. Donc c'est un début de soirée relativement calme sur les routes. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans le 5 à 7, c'est l'heure de partir en cuisine tout de suite avec Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors ce soir, place à une nouvelle tendance qui affole les health nuts. Les quoi? Les health nuts. Les nuts, c'est les noisettes? Non, enfin oui, mais c'est les fous. Donc c'est les fans de concept santé. Oui. Mais mon anglais... Ah, health comme ça. Parce que moi, je veux, il y a tout de suite des petits bonshommes bizarres dont on parlait hier alors dans l'émission. Alors on va le refaire, les health... Ah bah, là tout de suite je vois de quoi on parle. Je sais pire. Le jus de charbon végétal. Le jus de charbon végétal, les amis. Explication, ça fait rêver. Bon, le charbon jusque-là, utilisé depuis super longtemps en médecine, ça lutte contre tout ce qui est ballonnement, douleur intestinale, tout ce qui est lié au stress, les mauvaises habitudes alimentaires. Ce charbon entièrement naturel, ça a des propriétés absorbantes, purifiantes, jusque-là rien de neuf. Sauf que le charbon est désormais un allié détox puissance 1000. Parce que ce qui est utilisé, c'est de la poudre de charbon végétal. Donc c'est le résultat de la combustion à super haute température de résidus végétaux comme le bois, les coques de noix de coco, les noyaux d'olive. Donc en fait, on se retrouve avec une sorte d'aimant naturel qui évacue nos toxines. Tout ce qui est substance chimique qu'on peut retrouver dans les préparations industrielles ou tout ce qui est pesticides qu'on peut trouver sur fruits et légumes. Donc c'est quand même super intéressant. C'est un vrai, vrai bouclier pour nos cellules. Les people, US évidemment en tête, ne jurent plus que par ce charbon végétal pour dégonfler, pour réduire leur tour de taille. Eux le consomment sous forme de jus. Alors je m'explique parce qu'on fait évidemment pas de jus sur du charbon. Mais donc ici, l'idée, c'est qu'il y a un mélange de charbon poudre et de fameux green juice. Donc ces green juice qui sont ces jus verts qui sont arrivés chez nous aussi, hein, avec de l'épinard. Ils sont pas très appétissants quand même. C'est pas super intéressant. Et quand on ajoute du charbon là-dedans, ça devient gris. Hein. Donc, ça doit être dégueulasse. Tout le monde ait bien l'idée. Mais c'est vraiment super santé. Par exemple, sur son site Goop, qui compte des millions de followers, il y a Gwyneth Paltrow qui a mis en avant la vertu purifiante d'un jus de charbon qui est présenté comme une limonade. Ouais. Donc c'est tout à fait noir. Elle dit que c'est le meilleur jus purifiant. En novembre dernier, c'était la chaîne de magasins new-yorkais Juice Generation qui lançait une gamme de rafraîchissement complet, une gamme complète enrichie de cet ingrédient. Alors en cure classique, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, un adulte peut prendre 2 cuillères à soupe par repas pendant 15 jours, donc environ 30 grammes de charbon par jour pendant 15 jours, puis continuer à raison de 3 cuillères à soupe par jour le mois suivant pour obtenir un petit drainage cellulaire profond. Période de rentrée, on a peut-être envie de lâcher un peu les toxines. Aller faire pipi un peu plus, ouais. Lâcher les toxines, hein, lâcher les... Oui, c'est dit différemment, mais c'est la même chose. Oui, pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que ça à lâcher, il n'y a pas que du pipi. Donc attention pour ne pas avoir les dents noires. Il suffit de boire l'eau charbonnée avec une paille ou de le prendre sous forme de comprimé, parce que sinon ça gâche un peu le charme et le glamour n'est pas au rendez-vous. Et attention parce que ça inhibe aussi de nombreux médocs. Donc en gros, le charbon, vous le prenez en dehors des repas. Vous trouvez du charbon végétal activé, qui est celui qu'il vous faut pour le mettre dans des jus. Le charbon végétal activé, vous le trouvez dans les pharmacies, mais notamment sur newpharma.be. C'est des cures de 10 jours. Vous en avez pour 8 euros. Il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle les Nutricentiels. Vous avez toutes les infos sur vivacité.be. Si vous avez envie de vous faire une cure détox made in US, le jus de charbon, c'est votre truc. Eh ben, vous savez quoi? Je vais vous le dire honnêtement, vous avez parlé parfois de choses qui donnaient plus envie que le jus de charbon. Mais si c'est bon pour la santé. Il faut pouvoir de temps en temps faire un peu de light détox. Il faut pouvoir, faut pouvoir équilibrer le gras. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de secret. Eh bien, merci Candice. Avec plaisir, à demain. dans pas longtemps, je vous le passe en entier, ça, vous le connaissez pas encore, c'est le nouveau single Le Sting. Il fait son retour surprise aujourd'hui avant un album qui sortira tout bientôt. On en reparle dans quelques minutes. Et avant 19h, je vous passe le nouveau Sting en intégralité sur Vivacité. Juste avant, voici Marc Touesca, c'est Pop Story, c'est l'histoire de vos hits. Pop Story. Marc Touesca. S'il y a bien un sport que les auteurs de tout style et toute génération ont su célébrer avec classe et talent, c'est la boxe. Je vais te péter la gueule. On verra ça. Le noble art et ses légendes peuplent la grande histoire de Noite Parade, comme ici en 1968, lorsque Claude Nougaro met KO les ondes de nos radios et télévisions nationales avec le percutant 4 boules de cuir. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box. Le vieux kid marin. Un an après le match d'anthologie qui opposa à Kinshasa Mohamed Ali et George Foreman, Johnny Wacklin enregistre Black Superman Mohamed Ali, tout à la gloire du plus grand poids lourd de tous les temps. Bien que ce soit en 75 un des tout premiers 45 tours de reggae classé numéro 1 un peu partout dans le monde, son auteur Johnny Wacklin n'est ni Rastafari, ni Jamaïcain, mais tout ce qu'il y a de plus anglais et originaire de Brighton. Mohamed, the Black Superman. Au milieu de la décennie 70, Bernard Lavillier posait sur la pochette de son album 15e Round le muscle saillant avec en premier plan un gant de boxe rouge. Le Stéphanois connaît bien ce sport pour l'avoir pratiqué dès l'âge de 13 ans et s'accommode des valeurs que la boxe véhicule. Lui, le chanteur engagé, fils de métallo et bagarreur dans l'âme. T'as envie de me cogner, conne, vas-y. Frappe du gauche, frappe des deux mains, avance toujours, avance. Fais gaffe au contre, serre bien les poings, avance toujours, avance. Rentre la tête, ton crochet droit, avance toujours, avance. T'es un ringard, t'as pas de souffle, avance toujours, avance. T'es pas mobile et t'es trop lourd, avance toujours, avance. Les coups sonnent, on aime ça, avance toujours, avance. T'es trop vieux et c'est la dernière fois, t'avances toujours, t'avances. Pop Story. Ladies and gentlemen, Clipper. On a surtout chanté la boxe pour dénoncer le racisme, les injustices et le destin qui a mené certaines de ces stars d'une enfance miséreuse à la lumière des rings pour finir, hélas, dans la détresse absolue. Mark Knopfler a chanté Sonny Liston, déchu de son titre de champion du monde par le tout jeune Cassius Clay en 64 et qui finira assassiné par la mafia. Bob Dylan raconte l'histoire de Robin Carter, alias Hurricane, condamné pour meurtre sur des témoignages plus que fragiles. C'était en 1975 et Bob Dylan chantait l'histoire du boxeur Robin Carter alias Hurricane. Pop Story. L'histoire des hits. Dans deux minutes dans le 5 à 7, je vais vous parler d'une école comme il n'en existe pas deux. Une école entièrement écolo et même les cours sont adaptés pour que les enfants soient sensibilisés à l'écologie. On en parle juste après la pause. Hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Tu as fui ton pays. Après des années de guerre, ton retard scolaire te paraît insurmontable. Au Liban, 250 000 enfants réfugiés syriens sont privés d'école. Grâce à un soutien scolaire, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. C'était top, les vacances. Oui, mais c'est la rentrée chez Espace Mode. Et ça, c'est super top. Hommes, femmes ou enfants, découvrez les nouvelles collections des marques les plus tendances. Participez à notre concours Back to School et tentez de gagner des shootings photos et des chèques cadeaux enfants. Conditions sur notre page Facebook. Espace Mode sera ouvert dimanche 4 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la LAN. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans quelques minutes, je vous passe le tout nouveau Sting. C'est promis, je vous en parle depuis tout à l'heure. Avant 19h, il arrive, le best-of des enfants de cœur aussi. Mais avant, je vais vous parler d'une école, l'école des trèfles à Anderlecht. Elle a été inaugurée au mois de juin, mais c'était la première rentrée aujourd'hui. Alors c'était la rentrée pour les élèves, pour les professeurs, et puis pour l'école en elle-même aussi. On va en parler avec Viviane Cuit de cette école. Vous êtes directrice de l'école des trèfles à Anderlecht, et si on parle de votre école ce soir, Viviane, c'est parce que c'est une école un peu particulière, le bâtiment est passif, et vous êtes allée plus loin dans la réflexion encore par rapport aux élèves. Bonsoir, Viviane. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Effectivement, comme toutes les nouvelles constructions, mon école doit répondre à des données écologiques. Et à partir du moment où on m'a annoncé que la construction se ferait de cette manière-là, eh bien, j'ai tout simplement, avec mon équipe, décidé d'y inclure les enfants dans cette réflexion, dans cette nécessité. Et moi, personnellement, ce qui m'a attirée dans cette école, c'est au moment où, sur le plan, j'ai vu apparaître des mots comme potager, verger, récupération des eaux de pluie, que j'ai été attirée même par ce poste de direction à l'école des trèfles. Ça veut dire que les élèves, en plus des cours normaux, vont apprendre à s'occuper des légumes, des plantes, des arbres ? Bien entendu, toutes les écoles en Belgique ont à l'heure actuelle un projet d'établissement dans lequel l'école définit un petit peu sa ligne de conduite pour qu'un jeune enseignant puisse comprendre quelles sont les idées principales de l'école. Et donc, nous allons essayer effectivement de développer cet axe écologique avec les enfants. Ah bah c'est sympa, c'était leur premier jour aujourd'hui, ils ont été contents de découvrir leur nouvelle école ? Ils étaient très contents, effectivement. Et vous aussi ? Moi aussi, un petit peu stressée au début parce que effectivement, la veille de la rentrée, il y avait encore de nombreuses choses qui n'étaient pas livrées, mais finalement, voilà, on est satisfait quand on voit que tout est livré, que tout arrive et que tout se met en place. Bon, l'étape d'après, c'est de mettre des animaux dans cette école alors. Oui, ça on verra parce que on n'a pas tellement de place. On est quand même en région bruxelloise, dans un quartier en pleine expansion, ouais. En pleine construction. Donc voilà, notre place est limitée aussi au sein du quartier. Donc ça, je pense effectivement que ce ne sera pas possible, sauf notre petit Jack, notre petit lapin qui nous a accompagnés aujourd'hui. Ah bah quand même. Qui a déjà trouvé sa place dans l'école. Ah bah parfait. Et lui, il est collé toute l'année. Il ne peut pas partir de l'école, il doit y rester. Oh, il part en vacances chez une petite fille de l'école, chez d'autres enfants. Voilà, il a l'habitude d'aller dormir un peu chez tout le monde, pas oui. Ah bah génial. Mais merci Viviane de nous avoir parlé de ce projet d'école ce soir. Enfin, c'est plus qu'un projet puisqu'il est concrétisé, mais cette nouvelle façon de voir les choses. Merci Viviane, bonne soirée à vous. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il est l'heure, tout doucement, de s'intéresser au nouveau Sting. C'est l'actu musicale du jour, mais pas que. Il y a aussi une autre sortie aujourd'hui, je vous en parlais juste avant. Cette nuit, un groupe a fait son retour, les Black Eyed Peas. Vous vous souvenez de ça peut-être, hein. C'était sorti en 2003, les Black Eyed Peas avaient sorti Where is the Love. On est 13 ans plus tard, et ils ont réuni 60 artistes pour ce retour, les Black Eyed Peas. Alors c'est le groupe plus justement tous leurs amis artistes. Et alors ils ont peut-être un peu arnaqué quand même les gens après des années d'absence, puisqu'ils ont ressorti le même morceau. En tout cas ils portent le même titre, le morceau il a été entièrement réorchestré. Alors donc ça c'est Where is the Love à l'époque. Écoutez la nouvelle version qui est sortie cette nuit, c'est tout frais. Where is the love? Love is the key. Where is the love? answer. Love is the solution. Voilà comment recycler de l'ancien. On parlait d'écologie à l'école, bah écologie dans la musique aussi. On a un morceau, on le retransforme, ça fait un nouveau morceau. Beaucoup des Black Eyed Peas, si jamais vous êtes intéressé, bah le morceau vient tout juste de sortir. Et il y a 60 artistes dessus. Il y a vraiment tous les styles qui sont réunis pour ce retour du groupe légendaire des Black Eyed Peas. Autre retour ce soir, c'est celui de Sting. Quelques minutes de patience encore et c'est promis juste après. Les Enfants de Cœur, je vous passe le tout nouveau single de Sting. Ce sera dans un instant, après avoir retrouvé les moments que vous préférez dans Les Enfants de Cœur. Ça passe tous les dimanches sur Vivacité et tous les soirs dans le 5 à 7. Les Enfants de Cœur. La semaine de James Dino. Bonjour chers amis, et oui, ça y est, c'est bientôt parti, c'est bientôt l'Euro. Alors la sélection a été dévoilée avec dans les Gaules le fameux Thibaut Courtois, originaire du Limbourg, ou Simon Mignolet, originaire du Limbourg, et le troisième Jean-François Gilet qui vient de Liège. C'est comme dans les prisons, quoi, c'est le gardien wallon qui travaillera pas, ça c'est sûr. Ça on est sûr. L'engouement en Belgique est total. On se laisse aller. On apprenait la semaine dernière que le nombre d'accidents, c'est moi qui vous l'apprenais d'ailleurs, que le nombre d'accidents de la route augmentait quand les Diables Rouges jouaient. Je vous apprenais aussi que la moitié de ces accidents étaient causés par Jonathan Lejar et qu'il fallait le sélectionner. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Qui dit euro dit évidemment gadget. Depuis peu, les gadgets aux couleurs de la Belgique fleurissent partout. Un avion, des cuperdons, du vernis, des crèmes glacées, des canettes de bière. Chaque gros événement est maintenant accompagné d'une campagne marketing, chose qu'on n'avait pas avant. Par exemple, on n'a pas eu les barbecues Jeanne d'Arc, par exemple, à l'époque. Jeanne d'Arc, si chaude, pourtant toujours pucelle, salope. Et, hein, les ampoules Claude François, on n'a pas eu non plus. Et les lucarnes Mike Brand non plus. Alors, on a pu vérifier aussi, pas de smartphone Napoléon. Hein, il est connu qu'il avait toujours la main sur son smartphone dans sa poche intérieure. On le sait, il le masquait, mais... Même Jean-Luc à Paris, je suis dépité. Tous marqués du hashtag cette année, tous ensemble, ou encore tout en rouge. Un principe que ma banque a déjà appliqué à mon compte bancaire, tout en rouge. Des pots de Nutella aussi qui marchent avec les frères d'Ardennes aussi, c'est bourré d'huile de palme. Oui. Mais oui, mais je bosse, mais oui, mais je suis payé pour ça, donc... J'ai même cru qu'ils avaient mis la famille Hazard sur les boîtes de biscuits, mais c'était pas la famille Hazard, c'était celle du roi Philippe, c'était pas Eden, Torgan, Kilian, Gluten, Ethan, c'était Elisabeth, Emmanuel, Éléonore, Gabriel. Moi je trouve que le roi Philippe est vraiment comme Eden Hazard. Il lui faut du temps pour la mettre au fond, mais une fois qu'il est parti, on sent qu'il a... Hein? On salue la famille royale. On salue Philippe évidemment. Alors la famille royale sera évidemment la première au taquet, évidemment, mieux qu'en 2014, où Mathilde n'arrivait même pas à reconnaître Lukaku. En même temps, c'est la famille royale, hein. Parfois ils ne reconnaissent même pas leurs propres enfants, donc il ne faut pas trop leur demander non plus. Mais tout est belgicisé, les casquettes noires, jaune, rouge, les t-shirts noirs, jaune, rouge, les slips, marron, jaune, rouge pour les filles. Tout est décliné, enfin presque. J'ai mis la main sur les trucs qui ont été refusés. Alors on avait le Becherel Mark Wilmot, ils ont refusé. Ils ont dit non. Le rasoir à épiler Marwan Fellaini, ils ont... Alors là on avait changé le hashtag, on avait mis touff ensemble. Touff. Touff. Oui, c'est des heures de travail pour un jeu de mots comme ça. Et on a aussi évité le god aux couleurs des Diables Rouges. Mais ça, c'est parce que les gods avaient déjà un contrat longue durée avec une autre marque, le gouvernement NMR NVA. Donc là, on n'a pas pu leur... Allez, à la semaine prochaine. Bon dimanche, hein? Et pas trop long. Les Enfants de Cœur reviennent demain dans le 5 à 7 sur Vivacité. Ça y est, c'est le moment. Voici le tout nouveau Sting comme promis. Single surprise aujourd'hui, personne ne s'attendait à la sortie de ce morceau. Il y a un album qui arrivera le 11 novembre. Voici le premier extrait, I Can't Stop Thinking About You. C'est le nouveau Sting sur Vivacité. Puis juste après, rendez-vous avec Complètement Foot ce soir sur Viva. I Can't Stop Thinking About You, Sting, le tout nouveau, ça y est, il vient tout juste de sortir, vous l'entendez déjà ce soir sur Vivacité. Et puis on s'est dit dans le 5 à 7, c'est vrai qu'on vous passe pas de la musique tous les jours, mais il n'y a pas de tip top ce soir, il y a du foot, il y a complètement foot qui arrive dans un instant. Bah donc c'était l'occasion de se faire plaisir ce soir. Et justement, bah tiens, je vais avoir un avis tout de suite au standard, au 3063, avec qui est avec moi, Mélanie qui est là. Salut Mélanie. Bonjour Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. Mélanie, vous avez entendu le nouveau Sting? Oui. Alors, il est bien? Il est génial. Ah, il est terrible. Ah, il est fort. Je rappelle que l'album sortira le 11 novembre. Et alors, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par les artistes. Ils disent rien et puis tout d'un coup, hop, on reçoit un morceau. Ben voilà, ils ont sorti un single. Ça évite que les albums se fassent piquer avant même d'être sortis. Donc, vous validez Mélanie, on a le droit de le passer. Oui. Parfait. Il est génial. On le remettra. Mélanie, si vous êtes là, c'est pas pour me faire une critique du nouveau single de Sting, bien que ça me fasse plaisir, mais c'est parce que vous avez joué tout à l'heure. Vous allez repartir avec des cadeaux, vous allez repartir avec vos invitations pour aller à Sun Parks à Vielsalm. C'est pour vous, 4 entrées. Merci Cyril. Ah bah avec plaisir Mélanie, vous allez emmener qui là-bas? Mon avis, mon mari et puis ma nièce. Ah bah voilà, on fait comme ça. Comment s'appellent les nièces? Alors, Chloé et Lucie. Eh ben, on les embrasse, passez un bon moment là-bas et à bientôt sur Vivacité. Merci. Au revoir Mélanie. Au revoir Cyril. La soirée Mélanie, vous allez la passer pour la suite avec David Oudrey qui est déjà là, complètement fou de ce soir. Ça va David? Bonsoir à tous, bonsoir Mélanie, salut Cyril. Mais moi je suis pas tout seul, hein. Vous savez, on est en trio dans Complètement Foot. Il y a Alex Teclac, notre consultant. Il y a aussi Pascal Chimet qui est bronzé comme un dieu, il revient de vacances. Ça vous parle le bronzage, vous aimez? Ouais, c'est pas mal parce que je suis toujours le seul qui a jamais l'air de partir en vacances dans les trois. Est-ce que vous partez au soleil David? Je suis parti au soleil. Ah, et ça marche pas. Ça marche, mais au bout d'une semaine, c'est fini. Ce soir, c'est le retour des Diables Rouges. On va suivre tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais exactement, une émission spéciale jusqu'à minuit. Évidemment, le match, c'est à 20h45 avec Thierry Luters, Manuel Jousse qui seront là aux commentaires. Mais je suis impatient de connaître l'avis d'Alex et de Pascal sur le nouveau coach, sur Roberto Martinez. On en parle beaucoup hein, quand même. Et puis l'apport de Thierry Henry. Voilà, le T3 Thierry Henry, savoir exactement ce que ces deux-là vont réaliser avec ce potentiel national qui est le nôtre. Bon, ben, tout ça, c'est à suivre. C'est une émission spéciale qui démarre juste après le journal de 19h. C'est jusqu'à minuit sur Vivacité. Et le match, évidemment, tout à l'heure aussi en direct. Passez une excellente soirée sur Viva. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Je suis Karine Vouys, enseignante en audiovisuel à l'ITP Cours Saint-Étienne. Savez-vous que cette option est unique en secondaire? L'option audiovisuel peut vous ouvrir les portes de l'enseignement supérieur, du cinéma et de la télévision. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. J'ai vu un Samsung Galaxy J5 pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Péroué comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Laurent Martin et des milliers de beaux héros pédalant dans la roue de Sarah de Padua sous le soleil du Brabant Wallon. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Il est 19h. David Riffon, bonsoir. C'était la rentrée aujourd'hui pour les élèves de maternelle et de primaire. La première journée d'école est donc terminée. Premier cahier à recouvrir, premier manuel à acheter, premier petit câlin, un peu de réconfort aussi pour ceux qui se sont sentis un peu dépaysés lors de cette première journée d'école. C'est sûr, ça ira déjà mieux demain. En première secondaire, c'était aussi la rentrée. Leur nombre diminue d'heure en heure, mais 138 élèves restent sans école, dont 133 en région bruxelloise. Ils étaient encore plus de 160 à la mi-journée. C'est la conséquence du décret inscription qui concerne les premières secondaires. Ces élèves n'ont pas eu l'école de leur choix et n'ont pas accepté celle proposée. Des craintes pour l'emploi chez Caterpillar à Gosselies, près de Charleroi. Un conseil d'entreprise extraordinaire est annoncé demain matin, de même que sur d'autres sites européens. La fermeture de certains sites sera-t-elle annoncée?